Bienvenue tout le monde, c'est là où tout commence, c'est Indesta, il est 19h. C'est là où tout commence. Et c'est l'heure de retrouver votre émission du chantier. Je suis Monsieur Vélim du BET de l'OPC pour le PGC. Je viens vous voir suite à l'annonce sur le BOAM concernant le DTU sur le respect de la RT2020 afin d'être en accord avec le CCTP et le CCAG présente sur le DTU si on veut pouvoir transmettre le DAACT à notre client. Vous me suivez ? Non, on ne suit rien du tout avec votre charabia là. Suivez plutôt les aventures du chantier sur Indestar avec une équipe qui s'est causée. Le chantier, c'est ce soir sur Indestar. Salut, salut, salut les copains. C'est mercredi, on ne va pas au lit. Prenons la scie et c'est reparti pour le chantier qui est pas terminé. Oh, c'est génial! Ah, ça commence fort, hein. Ça commence très très fort. Bienvenue dans le chantier, bienvenue sur Indestar les amis, mercredi soir 19h, j'espère que tout le monde va bien, enfin je dis 19h mais peut-être que vous écoutez cette émission à 23h, un dimanche soir, finalement, puisqu'elle sera disponible en podcast sur toutes les plateformes. J'espère que tout va bien, est-ce que ça va bien dans l'équipe? Bah oui. Un bec. Oui, carrément. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous avez passé une bonne journée? Oui. Oui. Oh, globalement, bien, oui. Oui. Globalement, oui. D'accord, ok, très bien. Je vais commencer par un petit traditionnel maintenant, de se dire, est-ce que dans le mois qui s'est écoulé, puisqu'on va parler encore une fois rénovation ce soir, travaux et plus particulièrement électricité, est-ce que vous avez fait des travaux? Alors pas forcément électriques, hein, pour le coup, on commence par Angie. Est-ce que tu nous as fait des petits travaux ce mois-ci? Non. Non, d'accord. J'ai plié les cartons et mis des élastiques, c'est tout ce que j'ai fait du mois. Un élastique. Bon, on bah là, on peut se moins, couper tu... sur des oui, cartons. Tu risquais pas grand chose, mais c'est vrai qu'on peut se couper sur les cartons. Non, j'ai rien fait, rien du tout. À part réparer une cuvette de toilette, si, hier. Ah, bah tout. Oui, quand même, quand même. Simon. J'ai changé une bouteille de gaz. C'est bien, oui. Faut faire attention avec la bouteille de gaz. Ça faisait 3 semaines, hein, je précise. Qu'elle ne fonctionnait plus. Oui. Ah oui. Je cuisinais à l'électricité, pour être d'accord. C'est bien, c'est dans le thème. Bon, si ça marche, l'électricité, ça va avec le four à micro-ondes, quoi, à un moment donné. Nono. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, moi, avec le boulot, forcément. Ouais, menuiserie, à fond. Oui, on rappelle que Noémie, tu travailles justement dans la menuiserie. Donc, oui. Donc, j'ai fait de l'électricité, alors que je déteste ça. Donc, j'en ai fait, je pourrais en parler un petit peu. Pour faire quoi? T'as fait quoi? Pour brancher un portail avec un nouveau moteur. Ok, ouais, donc le portail en bois. Non, en alu. En alu? Ouais. Ah oui, de la menuiserie à lui. Ouais, bah oui, c'est bah vrai, oui, c'est ça, ils mettent même des fenêtres en PVC. Non, mais c'est vrai, mais pour moi, tu vois, la menuiserie traditionnelle, oui, c'est le bois, quoi. C'est, Ah, mais on pose de l'alu, on pose du PVC. Ah, tu me déçois. Je m'en vais. Ça pousse dans quelle forêt, l'alu et le PVC? Ah, bah oui, c'est ça. Dans les aluminiers. Ah, mais oui, suis-je bête. C'est tu un bel aluminier, cet arbre. François. Écoute, je crois que j'ai abattu un mur. Un mur. Un mur chez toi. Ouais. Dimanche. Ok. Toute une histoire. Première fois que t'as batté un mur, on est d'accord. Première fois que. Oui. Un pan de la maison, quoi. Donc, oui. Un mur porteur. Un mur porteur, ouais. Ouais, c'était incroyable, hein. Ouais. C'était technique. Première expérience. Ouais. Ce qui est cool, c'est que la maison s'est pas écroulée. Donc, oui, alors, on a ouais, eu la chance. Je t'avoue que j'ai fait mon signe de croix. je tapais et je regardais. Non, mais ça va, me disait-il. Et non, et ça a été. Mais t'as bien fait d'être attentif parce qu'à un moment donné, il y a quand même un pan du mur qui a failli te tomber. Oui, dessus. Véridique, ouais, voilà. Ouais. Mais il a eu le bon réflexe. Mais on est passé pas loin de l'accident à plusieurs reprises. Ouais. Alors, on a beau se protéger. Bon. Ouais. Je vous imagine abattre le mur avec la peur au ventre en vous demandant, elle était là la lézarde avant au plafond? Alors il n'y a pas de plafond, donc ça facilite les choses. Mais par contre, je regardais si la poutre qui tient l'ensemble de la charpente ne bougeait pas. Parce que effectivement, si elle commence à bouger, ça va être un peu compliqué. Lisa, des travaux ce mois-ci ou pas? Non, écoute, moi je n'ai pas fait de travaux, mais je suis contente que François-André ait détruit son mur parce qu'il le voulait. Oui, c'est ouais, vrai ouais. Que la dernière émission, j'avais proposé et tout le monde, moi. Et bien voilà, François était là avec Alex qui nous accompagne aussi. Et qui nous a bien aidé. Bon, les travaux qui continuent, on aura l'occasion d'en reparler sur ma maison. Peut-être que c'est le cas également chez vous, peut-être que vous faites des travaux. Nous, on a été vous poser la question, alors plus spécifiquement ici, aujourd'hui, sur le domaine de l'électricité, puisque ça va être notre chapitre du jour. On aura d'ailleurs tout à l'heure Sylvain qui sera notre invité et qui nous parlera plus spécifiquement, lui, de tout ce qui est solaire, puisque c'est un ingénieur dans le domaine de l'énergie solaire. Donc ça sera avant la fin de cette émission. On aura évidemment des jeux avec toi, Angé, et Nono. Ça sera un combat de quiz aujourd'hui. Un jeu, oui, un quiz, quoi, finalement. C'est des questions auxquelles on va devoir y répondre. J'ai eu un peu peur. Hein. Non, mais pas de souci. Bien sûr, on vous donnera quelques conseils aussi sur les solutions techniques qui existent. Et puis savoir ce que vous avez fait en électricité ce mois-ci, on était vous poser la question. Voici les réponses. Frédéric. Je restaure des maisons en tant que particulier et je prends tout mon matériel électrique ici. Je fais de la rénovation depuis 30 ans. Donc. En fourniture, une maison complète, 4 chambres, il y en a pour 4 000 euros, 4 500 euros. L'électricité, il faut faire appel à un professionnel. C'est ce que moi, je travaille dans l'assurantiel et j'ai beaucoup de sinistres avec les gens qui gardent trop de tutos. Il faut regarder les bons tutos. Quentin. Bon, on a pas mal de trucs à acheter. On rénove une maison qui a déjà bien avancé. On a fait appel à quelques gros œuvres pour des artisans. Mon père est électricien, donc il m'a aidé sur les premiers trucs qu'on a bricolés dans la maison. Puis après, j'ai réussi à faire. Au niveau électrique, il n'y a pas grand-chose. Il nous manquait juste des caches pour, pour les prises. Mais tout ce qu'on a pris, on l'a pris ici. On a changé, ajouté des prises pour les placer comme on voulait. Pareil pour les luminaires au plafond. On a tordu des fils, tu les a enlevés, on a remis des plus longs pour que ça aille. On a rajouté un télérupteur et un disjoncteur aussi au tableau électrique pour rajouter de la lumière dans les pièces. Joël, je suis venu ici pour regarder un petit peu les systèmes d'alarme. Aujourd'hui, on trouve tout sur internet pour nous expliquer, ça me fait pas peur. Mais là, j'en cherche un avec vidéo sur smartphone en même temps. Mais... Roland, en électricité, il y avait tout à refaire. Comme tous ceux qui ont une maison un petit peu âgée, qui bricolent en permanence, donc c'est un peu mon cas. Je l'ai fait tout seul. Je me suis accompagné tout seul, j'ai pris les bouquins, puis je me suis souvenu un petit peu de mon passé. Donc j'ai travaillé dans le bâtiment, mais pas comme manuel, quoi, comme conducteur, en bureau d'études et ainsi de suite. Donc de là à prendre le tournevis et à faire des travaux soi-même, il y a un grand pas. Donc voilà, il faut respecter les normes, tout simplement, pour après pouvoir passer la maison, la vendre sans avoir trop de soucis. Je vois le matériel qui existe, je repartirai très certainement avec quelque chose, mais il faut d'abord que je me dessine. C'est pour ça que je viens tout seul et que je prends du temps. Merci à le roi Merlin Tourneur de nous avoir accueillis pour accueillir ces témoignages. J'aimerais revenir rapidement là-dessus parce que au départ la personne nous dit qui est un professionnel hein, et elle nous dit bon voilà, faut pas faire ça soi-même si on n'est pas du métier. Et puis après on a d'autres témoignages où les gens disent bah non, moi j'ai fait ça moi-même avec des bouquins, des tutos. Alors effectivement ils précisent des bons tutos et c'est important je reviendrai là-dessus sur le journal du chantier tout à l'heure. Je pense personnellement, après ça n'engage que moi, mais que c'est possible de faire son installation électrique soi-même, mais à condition, c'est d'être rigoureux. Parce que si on le fait à la va-vite, ça peut poser des problèmes, et ça peut poser des problèmes graves, dans le sens où si ça brûle la maison, après on n'a plus de maison, et c'est embêtant. Tout ça parce qu'on a voulu gagner quelques euros en le faisant soi-même. Et l'assurance qui n'est pas d'accord. Et l'assurance n'est pas d'accord. En plus, c'est vrai que si on n'a pas fait vérifier l'installation par un professionnel, normalement, on ne peut pas être raccordé au réseau si l'installation n'est pas vérifiée aujourd'hui. Déjà. Oui, okay. Mais si on fait des modifs sur une install existante et que l'on ne signale pas et qu'on fait tout par nous-mêmes, s'il y a des dégâts, l'assurance a bien vérifié et là, monsieur, ça c'est pas aux normes, hein. ça va pas le faire. Hein. Donc voilà, très attentif par rapport à ça, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc en gros, si tu fais tes travaux toi-même, tu dois appeler un mec qui vérifie ce que t'as fait. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux faire ton installation et après, avant. Alors, si tu te raccordes au réseau, parce qu'on verra qu'il y a des alternatives. Hein. D'accord. Mais si tu te raccordes au réseau, de toute façon, pour être raccordé au réseau, tu dois avoir l'attestation de conformité. Ok. Avec une certaine. loi norme, on reviendra dessus et je voulais vous en parler 10 fois parce qu'elle est hyper importante et on peut pas passer à côté. Donc si ça ne respecte pas scrupuleusement cette norme, eh ben il y a plus qu'à refaire quoi. C'est pareil en fait, c'est pour ça qu'il faut aussi l'anticiper, parce que si tu fais des travaux, tu refais toute ton électricité, puis après dessus tu mets le placo, tu mets tout le papier peint, la peinture, etc., et que tu dois tout recasser parce que il te manque des choses, eh ben c'est relou quoi. Ouais, relou. Clairement. N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner votre témoignage si vous avez dû tout casser tout. Bah ouais, ça peut. Vous avez le Twitch aussi, parce qu'on est en live sur Twitch. Vous tapez une des stars radio tout attaché et vous pouvez nous voir, et vous pouvez surtout commenter cette émission si vous voulez nous faire des petits bonjours, promis, on les lira. Si vous avez des commentaires à faire dans cette émission en direct, on fera la remontée, il y a aucun souci. On écoute Gifla avec son nouveau single, ça s'appelle On My Way to Meet You, et c'est maintenant sur Indestar évidemment. Quand je prends un tournevis plat, il faut un tournevis à tête Philips. Et là, c'est du Philips, il est trop gros. Il faudrait un outil IA auto-adaptable. J'invente ça. Le chantier poursuit son cours et ça se passe sur Indestar. On n'a pas le temps d'inventer des choses quand on est en train de bricoler. Ça, c'est... Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas l'outil qui correspond à notre demande. Hein, par exemple, quand on a enlevé les poutres avec François ce week-end, il fallait donc enlever des chevilles. Et on a testé, on a cassé des outils d'ailleurs, mais on a testé avec des outils mais qui ne sont pas adaptés à enlever les chevilles. Alors peut-être, Noémie, tu vas peut-être me dire qu'il y a un super outil qui est là pour enlever les chevilles, mais on l'avait pas. Une perceuse. Ah ouais. Ah oui, une perceuse. Bah, tu perces la cheville en bois. Ah, j'avoue. Bon bah d'accord. Et ben voilà. On est amateur, hein, tout va bien. En fait, la cheville souvent elle tient en force et c'est souvent des chevilles à tirants. Ouais. C'est-à-dire que dans ton assemblage à l'intérieur, t'as une poutre avec un trou qu'on appelle une mortaise, et puis une partie qui rentre dedans de l'autre pièce qui s'appelle un tenon. Et en fait, le trou de la mortaise et le trou du tenon sont légèrement décalés pour que quand on enfonce la cheville, ça tire davantage. Donc en fait, ça tient en force. Ah ouais. Donc en fait, moi j'aurais percé. Ouais, parce que nous on a utilisé des outils, si tu veux, pour le taper quoi, pour que ça ressorte. Mais bon, ça a eu tendance à se détruire à l'intérieur. Ouais, et ouais. On avait coincé les outils après à l'intérieur. C'était compliqué. Bon, bref. Mais avec la perceuse, tu détruis du coup le. Ah bah, de toute façon, si c'est pour le démonter. Ouais, on veut pas le récupérer. Pour l'instant, ouais, ça ne sert à rien. Mais... Bon, ok, bah j'y penserai pour mon prochain mur parce qu'il y a encore des choses à faire. Voilà. Encore des murs à casser. Et encore des murs à casser. Bon, aujourd'hui, le chapitre, c'est l'électricité. Donc, on va parler de la partie électrique. Là, on est dans le journal du chantier, donc je rappelle que si vous venez d'arriver hein, et découvrez cette émission, bah déjà bienvenue. Et en plus, donc là, pour vous situer, j'ai acheté une maison il y a à peu près quelques mois, hein, c'était l'été dernier. Et y a beaucoup de choses à refaire. Hein, là, si vous avez suivi à l'instant, vous dites bon, il y a des murs porteurs à détruire, donc c'est déjà il y a du gros boulot. Mais il y a forcément aussi toute la partie électrique à faire, puisque quand je suis arrivé. Il n'y a rien du tout. Il n'y avait pas d'électricité. Enfin, il n'y a toujours pas d'électricité, mais on va revenir à ça. Angé. Bah oui, bah du coup, comment t'as fait pour faire les démarches pour pouvoir installer ton électricité au réseau? Ouais, alors. Raccorder plutôt. Pour raccorder au réseau. Donc, j'arrive dans la maison. Alors, évidemment, je le savais à l'achat, hein, qu'il n'y avait pas d'électricité. Et je savais aussi que l'électricité n'était pas disponible aux abords du terrain. Parce qu'il y a des câbles qui passent, mais c'est les câbles du téléphone et le câble de la fibre. Pour l'électricité, ça ne sert à rien. Donc, je savais que j'avais tout à faire. Je ne savais pas exactement combien ça allait me coûter. Tu avais hésité avec des panneaux solaires? Alors, pas dans un premier temps. Même si je me suis renseigné. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais un devis qui n'était pas vraiment un devis, qui était la personne qui voulait acheter avant, qui avait fait un truc. Bon, il lui avait dit en gros 15 000 euros. 15 000 euros, c'est un certain coût. Je me dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas une alternative à ça? Et j'avais commencé à me renseigner. J'avais assisté notamment à une coupe bien le jus avant de faire ça, parce que si on se prend du 220, ça pique. Voilà. C'est à signaler quand même, hein, parce que je le dis. Voilà, donc, c'est vrai que quand on est sur une installation qu'on ne maîtrise pas parce qu'on ne connaît pas de la façon dont c'est fait, ça peut être encore plus touchy finalement, puisque voilà, il faut tout réadapter et il faut changer du matériel. Ça, on se dit bon, ça on va le laisser, mais en même temps on se retrouve avec du matériel qui est pas exactement le même que celui d'à côté. Donc bon, soit on repart sur du tout neuf, mais ça veut dire qu'il faut tout casser, soit on adapte, des fois c'est un peu complexe quoi. Voilà, et si vous ne savez pas, n'hésitez pas à demander à un professionnel. Il peut faire complètement l'installation, soit en tout cas vérifier si vous n'êtes pas sûr, vous voulez brancher votre compteur. Alors, compteur électrique, aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui sont assez facilitées. Hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait visser, par exemple, les fils sur le tableau électrique. Alors, pas compliqué hein, de visser, mais déjà, ça avait tendance à se desserrer à un moment donné. Donc, il fallait pas hésiter des fois à remettre un petit coup de tournevis dessus. Et puis, le petit câble qui dépasse, faut pas qu'il dépasse sur la bande d'à côté, par exemple. Aujourd'hui, on a des petits clips, on met son fil électrique, alors on fait attention avant où on le met, hein, parce que après, pour l'enlever, c'est compliqué. Mais on met notre. Et puis après, voilà, c'est indésirable. Donc il y a des choses comme ça, même les modules, on les clipse sur notre tableau et on n'en parle plus. Et puis si on veut changer notre installation, on déclipse, on met à côté, c'est un jeu de Lego au final. Un Ah oui, les Wago aussi, oui, c'est vrai. Les Wago, c'est ce qui a remplacé les. Comment on appelle ça? Les dominos. Domino, on mettait un fil électrique, on serrait avec le tournevis et puis de l'autre côté. Bon, ça c'est plus aux normes, donc si vous en avez. C'est plus aux normes, moi j'en étais resté à ça. Moi. Ouais, mais c'est pareil, les dominos, c'était pas hyper pratique parce qu'il fallait pas que le fil dépasse, il fallait bien serrer, ça avait tendance à s'enlever quand même. Aujourd'hui, on a les Wago qui sont des petits clips en plastique, on met le fil, on ferme le petit clip en plastique et terminé. Et le jour où on veut enlever, on a juste à relever et on relève. Donc plus sécurisé, plus pratique. Oh, c'est depuis combien de temps ça? Je sais pas depuis quand ça existe, mais peut-être une vingtaine d'années quand même au moins les Wago. Ah oui, hein. Alors je suis pas du tout à la base. T'es resté à l'installation des années 70. T'en fais pas Lisa, moi je suis toujours aussi au domino, on en a tous dans notre caisse à outils pour faire l'installation. Oui, donc. En même temps ça fonctionne hein, les dominos. Bien, mais c'est plus aux normes. Voilà, je vous le dis, c'est plus aux normes. J'en ai posé un il y a pas si longtemps que ça, un domino pour changer la lampe. Après si tu jouais à un jeu de société, t'as le droit de jouer au domino. Oui, au trio Mino, est-ce que tu veux, ça c'est encore aux normes. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'installation électrique sur le mais toi, tu pars d'un schéma, c'est ça Que je me suis fait, ouais. Que tu t'es fait en fonction de mes besoins. Et t'as regardé un tuto? En fait, je me suis fait le schéma en se disant qu'est-ce que j'ai besoin. Les lumières, tant de lumières, tant de prises électriques pour alimenter quoi, etc. Okay. Comment je vais disposer les choses. Et puis après, en fonction de ce schéma, je me suis dit, et là, oui, j'ai regardé la norme et les tutos pour se dire combien de lumières je peux brancher sur un seul et même circuit. Ou combien de prises électriques, c'est judicieux. Est-ce que ma machine à laver, est-ce que je peux la mettre avec d'autres, ou est-ce qu'il faut que je dédie un circuit. Donc voilà, tout ça en fonction de ces besoins-là. Après, t'adaptes en fonction de la norme, quoi. Et d'accord, donc sans notion d'électricité. Sans notion d'électricité. Initialement. Ah ouais, parce que moi, j'aime pas ça. Tu t'es fait conseiller des chaînes YouTube ou des choses comme ça ? J'en ai pas particulièrement là à vous conseiller, on en parlera tout à l'heure, hein, mais pas une spécialement, mais il y a plein de choses qui existent. Après, là où il faut être quand même assez vigilant, c'est de regarder des choses assez récentes parce que les lois. Elles ont tendance à évoluer. Donc si vous regardez un tuto j'étais électricien en 1515, c'était pas les mêmes normes électriques à l'époque. Même sur les équipements aujourd'hui, par exemple des prises RJ45 pour alimenter internet, c'est obligatoire. Alors si on fait notre maison nous-mêmes pour nous-mêmes, on a le droit de pas en mettre, hein. Mais si on est dans l'optique de faire une maison qu'on veut louer ou mise aux normes, hein, en règle générale, autant y penser, quoi. Surtout si on fait tomber des cloisons, etc., on passe des câbles RJ45 pour alimenter les pièces. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qui ont tendance à évoluer, donc faut pas être. Vous pouvez regarder plusieurs tutos et puis surtout des tutos qui sont sur des normes récentes, quoi. Mais t'es pas obligé d'être dans la norme alors si t'y habites et... Il y a certaines choses, si, parce que encore une fois, alors dans l'idée que l'on est relié au réseau, mais même si on n'est pas relié au réseau, comme moi par exemple avec mes panneaux solaires, c'est quand même beaucoup mieux d'être dans la norme, parce que s'il y a un dégât, incendie par exemple, et que l'assurance intervient, si on n'a pas respecté la norme, elle peut ne pas nous assurer, quoi, les dégâts. Donc autant, quitte à refaire l'installation électrique, autant la faire bien jusqu'au bout, quoi. Quand tu dis que tu as fait toi-même ton schéma, que tu as calculé tes besoins, tu as additionné les ampérages, suivi la loi d'Ohm selon les boucles, etc. Qu'est-ce que t'appelles la loi d'Ohm? Ça me rappelle le collège. U et galerie. Ouais, alors ça, on le maîtrise pas. Mais... Non, mais c'est juste pour citer une loi que je connais en électricité. D'accord, c'est bien. Il est faire le pro, en fait. J'ai pas été jusque là. Non, ce qui m'épate, c'est que tu as réussi à avoir les notions te permettant de calculer les besoins, la quantité, pour parler grossièrement, d'électricité à l'arrivée, le nombre d'appareils en dérivation, le risque de court-circuit selon les branchements, etc. T'as réussi à. Alors, je te dirais ça quand ça fonctionnera. Ah oui, d'accord. Voilà. J'ai pas fait vérifier encore. Mais non, mais après, en fait, moi, j'ai réalisé ma maison, tu sais, en plan 3D, avec les endroits et où je voulais mes points, etc. Donc ça facilite quand même un peu les choses, parce que tu sais que dans le salon, j'ai mes ordinateurs, j'ai ma musique, j'ai tout ça. Donc je me dis, il me faut plusieurs prises, donc je vais lui dédier un circuit pour ça. Donc tu sais que après, tu fais en fonction d'eux. Donc c'est sûr que plus tu prévois les choses, plus c'est facile après à te dire qu'est-ce qu'il faut comme ampérage, qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là. Tu joues entre les besoins et la norme, quoi. Moi, j'ai une question par rapport à ta limite en termes de puissance pour justement la production d'électricité avec les panneaux solaires. Parce que quand on souscrit un contrat énergétique auprès d'un fournisseur, où là justement on n'est pas off-grid, t'es à 3000, t'es à 6000, t'es à 9000. Tout à fait. Donc forcément, au bout d'un moment, t'es limité. Et si tu branches trop de trucs en même temps qui fonctionnent, ça saute, quoi. Et du coup, toi, t'as forcément ça aussi avec le stockage et puis le Il y a un seuil qui est très élevé et en fait a priori ça ne devrait pas sauter. Par contre, l'inconvénient d'un système off-grid, c'est que en fait tu es dépendant de la production électrique et du coup ce qu'il y a dans tes batteries. Donc en fait avant de faire sauter le circuit, je pense que simplement t'as plus d'électricité en stock, quoi. Voilà. Sauf je veux dire en été, parce qu'en fait en été si t'as du soleil et étant en surdimensionné, tu peux te dire tu peux brancher tout ce que tu veux, c'est Versailles ici, tu vois. Vraiment, parce que tu as les panneaux solaires qui produisent en pleine journée plus que tu as besoin, et en plus tu as des batteries qui sont full charge, donc il n'y a aucun souci. Et justement, tes batteries, t'as quelle capacité de stockage avec Je l'ai pas noté. je ne sais plus. Je crois que c'est 5000 kWh, il me semble. Ça correspond à quoi ça? Ça correspond à quoi, voilà. En fait, un simulateur en ligne où tu mets un peu tes équipements, et puis après tu prévois un peu plus, tu prévois une marge de manœuvre. Alors pour te donner une idée, moi je suis en 3000 watts, si je branche deux plaques vitro-céramiques, donc sur, sur résistance, et que j'allume ma bouilloire, ça saute. Ouais. Donc tu vois, 3000, ça te donne à peu près ça, et bah tu rajoutes 5, tu multiplies à peu près par 2 et puis repars 1000 et ça te fait la puissance. En fait c'est le maximum de puissance à... Ouais c'est ça, d'accord. Après il y a une adaptation à faire quand même quand tu es en off-grid, hein, c'est-à-dire que tu sais que ta quantité d'électricité est limitée, donc après tout ce qui est système de chauffage, tout ce qui est chauffe-eau, tout ça, il faut pas que ça soit électrique quoi. Voilà, il faut adapter son matériel, il faut un chauffage à bois par exemple, il te faut un chauffe-eau qui soit à gaz ou à énergie solaire. Voilà, tu adaptes pour que en fait tes plus grosses sources d'énergie ça soit le frigo, la machine à laver quoi, en gros. Ouais. Et encore tu t'évites de faire une machine à laver, la vaisselle aussi. Ouais, la vaisselle. Très important. Si ça fait 2 semaines qu'il fait gris et que t'as aucun rayon de soleil. Donc tu vois, il y a quand même des choses à faire attention, même si j'ai la possibilité de plugger un groupe électrogène dessus en cas de forte nécessité, qui va recharger les batteries et qui va me permettre de prolonger ma durée de vie, on va dire. Dans l'ensemble, voilà, il faut quand même faire attention à sa consommation énergétique. Tu vas pas mettre le lave-linge, le micro-ondes et la télé en même temps, quoi. Voilà, par exemple, le micro-ondes. Ça va sauter. Le micro-ondes, tu fais réchauffer un truc au micro-ondes, mais tu fais pas cuire un truc d'une heure au micro-ondes, parce qu'un micro-ondes, c'est 800 watts ou 1000 watts, tu vois. Il faut faire attention. T'as pas un four à micro-ondes? Ouais, il faut remettre compte. Mais petite question, est-ce que tu as un simulateur pour savoir à combien produit tes. Alors, ça en fonction du temps. Ouais. Ce que je veux dire, s'il fait gris. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, tu peux te dire que si c'est la nuit, par exemple, c'est zéro en production électrique. Donc, zéro, oui. Ouais. Quand il fait gris, c'est pas zéro, parce que t'as toujours le soleil qui passe à travers les nuages, etc. Mais c'est pas beaucoup. Ouais, d'accord, ok. C'est bon. Mais donc là, normalement, c'est dimensionné pour avoir une installation électrique qui correspond à mes besoins. Okay. Après, je vous ferai, on en parlera dans quelques temps. Ça va être marrant les mois de novembre chez toi. Ah bah, ça sera la bougie, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais ce sont les mois durant lesquels belle-maman pédalera. Voilà, exactement. Et les nuits de pleine lune, est-ce que ça produit? Les nuits de pleine lune, je sais pas si la lune produit un petit peu ou pas. Dites-le nous en commentaire, hein, si vous avez la réponse, j'en suis pas persuadé. Hein. Bah, techniquement, l'éclat de la lune, c'est le reflet du soleil. Oui, oui, c'est vrai, mais j'en suis quand même pas persuadé. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le journal du chantier. Dans un instant, on vous énumérera quelques alternatives au réseau électrique, avec des solutions un petit peu innovantes pour certaines. En attendant, on écoute Gusto qui nous reprend Santa avec Popcorn Salé. Si vous allez au cinéma et bien que vous voulez une petite pause popcorn, ou pour écouter une des stars et le chantier qui continue jusqu'à 21h. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du pop-corn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Oh. Je pourrais jouer les beaux mots au milieu des femmes. Le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux. Remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et en se regardant dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du pop-corn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du pop-corn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Allez, viens, je t'emmène loin. Regarde le monde s'écrouler. Il y aura du pop-corn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. On va parler de toi, ça c'est une bonne vanne de couvreur. Suivez les aventures du chantier en direct sur Indestar. Attention, prends des ardoises, sinon il va t'arriver une tuile. C'était une vanne de Coluche à l'époque. Bienvenue sur Indestar et dans le chantier mercredi soir. J'espère que tout va bien pour vous. Ça va toujours hein. Bah ouais, c'est bien. Et alors, très très bien. On aura Sylvain tout à l'heure qui est ingénieur dans l'énergie solaire. Voilà, donc il nous parlera un petit peu de toutes les un mec radieux qui existe, un mec radieux exactement, un mec solaire. C'est... On lui fera la vanne si tu veux. En attendant, on va vous proposer un petit peu toutes les, alors toutes les, c'est un peu voilà. Quelques-unes des solutions qui existent, alors alternatives ou non, et d'ailleurs on va commencer par le traditionnel, par le réseau EDF, Enedis, pour savoir comment est acheminée l'électricité depuis la centrale jusqu'à chez nous. Puis on verra après, on aura la solution au gaz et puis les dernières innovations qui existent aussi. Lisa, EDF. Oui, alors moi, en fait, moi je suis repartie à l'origine hein, parce que du coup ça m'a intéressée. Mmh. Et donc, par exemple, dans le sous-sol de la Terre, on trouve de l'uranium, en fait, qui est un minerai provenant d'un combustible fissile. Et fissile, c'est-à-dire ouais, fissile, parce que c'est un procédé de fission, mais je vais en parler un peu plus... Fissible, si je puis me permettre. Oui, j'ai du mal. Fissible, oui, ça doit être ça. Et donc, l'uranium, c'est un métal radioactif. Et avant de pouvoir l'utiliser comme combustible dans les réacteurs de centrales nucléaires, il faut l'extraire et le transformer. Mmh. Et il faut savoir que c'est un métal assez répandu, l'uranium. Et ces minerais se trouvent dans des extraits de gisements à ciel ouvert ou en galeries souterraines. On peut aller trouver ces gisements en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et en Russie, ou en France. Ah, en France aussi. Ouais, il en existe en Vendée et dans le Limousin, mais ces gisements sont en voie d'épuisement. Ok. Alors, le minerai, comment on le traite ? Donc, on le réduit en petits morceaux, en fait. Il est finement broyé et il est soumis à diverses opérations chimiques pour en extraire l'uranium. Donc, cela permet d'obtenir un uranium très concentré sous forme d'une poudre jaune appelée « yellow cake ». Ah ouais, moi, ok. Voilà. Ça a l'air super bon. Pour son anniversaire, je vais me faire un yellow cake. La coke ou autre chose, voilà. C'était marrant ça, à savoir. Et par exemple, 1000 tonnes de minerai donnent de 1,5 à 10 tonnes de yellow cake contenant 75% d'uranium. D'accord, et on produit combien avec ça? C'est pas... Alors j'ai pas tout retenu hein, parce que on peut faire combien de gâteaux avec ça, c'est ma question. Ça va venir par la suite. Et donc le yellow cake, il est ensuite raffiné pour le débarrasser de ses impuretés et obtenir un uranium complètement pur. Mm-hmm. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'enrichissement. Et 1 kg d'uranium naturel est composé de 993 g d'uranium-238 et de 7 g d'uranium-235. Je me demandais quand est-ce que tu allais parler des isotopes. Là aussi, tu fais semblant de t'y connaître ou tu connais vraiment? Non, mais il y en a qui parce connaissent, que, c'est vrai. Parce que tu parles d'uranium depuis tout à l'heure, je me dis, mais quand est-ce qu'elle parle de matériaux radioactifs? Parce que l'uranium stable, il n'est pas radioactif. Mmh. Oui. Non, mais s'y connaît vraiment, là, pour le coup. Mais le 235, là, voilà, ça y est. Il fait pas semblant. Là, ça pète, ça brille. Et donc, il y a seulement l'uranium 235 qui est fissile. Alors, c'est pas marqué fissible, c'est fissile, apparemment. Mais ça doit provenir de la fission, je pense, de l'opération de fission. Je crois que c'est le mot anglais pour dire fissible. Rien à voir avec les fissures. Non, c'est rien. Ah bah pourtant c'était écrit. Oui, mais autant pour moi. Alors, par contre, il n'est pas en proportion suffisante pour être utilisable directement dans les réacteurs de centrales. Donc, il doit être enrichi en uranium 235 de façon à ce qu'il en comporte entre 30 et 50 grammes. Attention, c'est très technique. Donc, c'est le rôle de la centrale nucléaire, du coup, ça. Bah oui, entre autres, il y a des opérations par rapport à l'uranium. Ouais. Ok. Je crois que Simon est pas d'accord. Non, j'écoute. Alors, une fois enrichi, l'uranium est transformé en poudre noire, donc c'est plus la jaune. Hein. Et comprimée et cuite au four, elle donne des petits cylindres d'environ 7 grammes et de 1 cm de long qu'on appelle pastilles. Qu'on mange en dessert. C'est tout petit. Ouais, c'est pas très grand. Hein. Et chaque pastille peut libérer autant d'énergie qu'une tonne de charbon, en fait. Donc, voilà. Et ces pastilles sont enfilées dans des tubes en métal de 4 mètres de long dont les extrémités sont bouchées. Et ça constitue ce qu'on appelle des crayons. Ok. Donc, et ça ressemble à du graphite. Ah ok. Mais à ne pas utiliser pour écrire. Hein. Non. Non. Il faut l'éviter. Et donc ces crayons sont regroupés par l'eau dans des assemblages combustibles. Et ils sont placés dans le cœur du réacteur pour le faire fonctionner. Ah ça y est. Là on. Ah ouais. En fait ouais, tout ça arrive. C'était la production. Pour faire fonctionner notre centrale nucléaire. C'est ça, en fait, je suis partie de la Terre. Ok, ok, ok. On peut tous le faire alors. Non. Non. Alors ça c'est fait. Simon, tu pourras confirmer le scout nucléaire qui faisait ça dans la cabane du jardin. Ah ouais. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives de gens qui avaient créé des mini. Des mini réacteurs maison, ouais, ça se faisait. Et puis, mais qui du coup sont pleins de croûtes, enfin qui ont du coup des. Ah bah, ils sont atteints un peu par la radioactivité, justement, des isotopes. Il y a le traitement des déchets après, parce que en fait, là, on peut s'apercevoir, et si on ne le savait pas, qu'une centrale nucléaire produit énormément plus. Par rapport à la quantité de matière au départ d'électricité qu'une usine au charbon, qui va polluer en direct. Par contre, les déchets nucléaires, après, il faut les enterrer parce qu'on n'a pas la possibilité de les recycler. Oui, il faut faire attention par rapport à la radioactivité, ben c'est l'enlever, ça. Voilà, à diminuer. Il faut pas que ça explose non plus, parce que Tchernobyl, on a connu. Non, mais c'est pas la même chose. Tu mélanges tout, mon pauvre. C'est vrai ? Ah mince. Alors, donc ces pastilles-là, elles vont séjourner entre 4 et 5 ans dans le réacteur et subir des réactions de fission nucléaire. Et au fil du temps, elles vont s'épuiser en uranium 235 et devront être remplacées. Et cette opération, s'effectue dans l'eau, car elle permet de piéger les rayonnements radioactifs. Et le combustible usé reste ensuite pendant 3 ans en piscine de refroidissement, le temps de perdre un peu de sa radioactivité. Ah, il attendra d'apprendre la natation. C'est long, hein, les temps. De faire son entrée à l'école. Alors vous l'aurez compris, l'énergie nucléaire dépend de l'uranium. Et celle-ci permet de produire de l'électricité dans les centrales nucléaires grâce à la chaleur dégagée par la fission des atomes d'uranium. C'est ce qu'on a le plus en centrale nucléaire, nous, pour la production d'électricité en France, oui, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Hein. Alors, il y en a qui utilisent encore beaucoup le charbon. Bah oui, notamment en Chine. Simon, tu voulais réagir par rapport à ça, s'il y avait des approximations? Non, c'est bien dit. Sur le schéma, on est bon, Non, c'est juste que c'est un sujet extrêmement vaste, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais au risque de perdre beaucoup de gens. Là, je parlais d'isotopes, par exemple, et je m'aperçois qu'en fait, j'ai vu ça en bac S, donc effectivement, tout le monde ne l'a pas forcément fait ça. L'isotope, non, je suis pas arrivé jusqu'au top. Alors voilà, j'étais parti dans mon délire, je me suis dit, je vais expliquer ce que c'est que la fission, la fusion, tout ça. Je dis, on va faire simple. Faudrait qu'on fasse une émission de vulgarisation technologique. On parle beaucoup de ces déchets radioactifs, excuse-moi, pardon, c'est moi. Par exemple, tu dis que ça passe 3 ans en piscine de refroidissement, simplement pour perdre de la radioactivité et de la chaleur. C'est rien. L'uranium 235 dans les déchets, qui a pourtant été épuisé, il a une demi-vie, je vais revenir sur ce que ça veut dire, il a une demi-vie de 10 000 ans. Ouais. C'est-à-dire que la moitié de la radioactivité est perdue en 10 000 ans. Puis il faut encore 10 000 ans pour perdre la moitié restante, puis 10 000 ans vraiment la moitié restante, et c'est pour ça qu'on est obligé de les enterrer. Ouais. peut-être que s'il y a des sujets d'études sur sujet, peut-être qu'un jour on se dira ah mais oui mais c'est des chats, on peut les traiter de telle manière. Auquel cas on pourra toujours les récupérer. Tu penses qu'on pourra un jour arriver à une technologie qui permettrait de d'enlever la radioactivité comme ça Il y a 500 ans t'aurais dit à quelqu'un on non mais c'est la vrai lune, t'as raison t'as raison ouais. Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études pour justement trouver des solutions pour ça. Dans 500 ans peut-être que qu'on aura trouvé un truc de dingue qu'on soupçonnait pas aujourd'hui. Mais les déchets radioactifs seront encore encore radioactifs on dira bah super on peut en faire quelque chose. Et c'est encore aujourd'hui la méthode. Alors elle est pas parfaite hein, je dis pas le contraire. C'est la méthode qu'on a aujourd'hui qui permet de moins polluer en produisant efficacement. Ouais, en direct en tout cas ouais. À part belle-maman qui pédale dans la cave. Oui. Ça c'est toujours efficace. T'en veux à belle-maman. OK, merci Lisa. Donc après ça arrive par les lignes électriques. Ouais, alors après donc les centrales nucléaires, vous connaissez l'autre nom des centrales nucléaires ? C'est pas très compliqué. Attends. Non. Autre nom. Non, je dois avoir autre chose en tête, j'y suis pas du tout. Personne là. Non, bah c'est elles sont aussi appelées électronucléaires. Ah oui, non, j'aurais pas du tout. Ah non, bien vu, bien vu. Il y a personne qui utilise ce mot. Non, personne. Oui, c'était un piège. À part les scientifiques. Bah non, du coup non. Même pas. Mais je suis plus dans la biologie, j'avoue. Donc il y a quatre parties principales dans une centrale nucléaire. Il y a le bâtiment qui contient le réacteur dans lequel a lieu la fission. Il y a la salle des machines où est produite l'électricité. Les départs de lignes électriques qui évacuent et transportent l'électricité. Et il reste des tours de refroidissement mais uniquement en bord de rivière. Donc après les lignes électriques, il y a de la très haute tension. Et puis plus ça va, plus après on arrive sur des lignes haute tension simplement. Alors ça, je sais pas. Est-ce que si vous êtes à la campagne, parce que souvent en ville c'est enterré, hein, mais quand on est dans les plaines, on voit des lignes très haute tension avec des gros poteaux et plein de fils. Et puis après, quand ça arrive sur les habitations, on est plus sur des lignes haute tension simplement, où il y a juste un fil qui pend, d'ailleurs avec la tempête tombe au sol et puis c'est pas remonté avant 6 mois. Donc le gamin il peut s'amuser. Ah, on peut couper ça avec les ciseaux et c'est très dangereux. Voilà. Okay. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu as déjà eu l'idée quand ça expliquerait beaucoup. Non, j'ai deux enfants qui sont morts dessus, c'est rien. Ils ont voulu tester. Moi, je suis pour, tu vois, c'est la méthode Montessori, tu laisses faire aux enfants. Voilà, bref. Je laisse faire ça. Technologie alternative. Angé, on avait le gaz. Oui. Ouais. Alors, plus précisément, on va parler de la méthanisation. Méthanisation, ok. Qui produit du gaz, du coup. Ouais, ouais. Donc, les gens qui pètent. Bah, les vaches. Effectivement, c'est exactement ça. C'est ça, branchons les gens qui pètent. Donc du coup, oui, nous on va parler de la méthanisation. Donc vous êtes pas sans... Enfin, vous êtes censé savoir que nous on habite à côté du zoo de Beauval. Non, on n'est pas censé savoir, mais oui. Non, mais bon, voilà, okay. Hein, à côté de Saint-Aignan. Ouais. Et ils utilisent, eux, la méthanisation. Pour produire leur électricité pour alimenter le zoo. Voilà, c'est ça. Okay. Et produire aussi de la chaleur, aussi du chauffage. D'accord. Alors ça se passe comment? Ça fonctionne comment? Et bien d'abord, ils l'ont construit en 2014. Donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ils fêteront leur 10 ans cette année, en juin. Faut savoir que ça leur a coûté un bon billet. On est à 2 300 000. Ouais. Ouais. Mais en sachant qu'après, comme moi avec mes panneaux solaires, on n'est pas sur le même ordre de grandeur, mais après, ça veut dire qu'ils ne payent plus de facture d'électricité, ce qui doit être très cher aussi pour un zoo à l'année, quoi. C'est pas si simple. Ça ne comble pas tous les besoins. Ah, ça comble pas. Je vais y revenir après, je laisse Angina. Okay. Oui, il y a une deuxième partie. Alors, du coup, ça a pour objectif de transformer les déchets animaliers en gaz, du biogaz. Ouais. Ce biogaz, il permet de produire sur place de l'électricité et de la chaleur. Ok. C'est-à-dire que plus, par exemple, dans un enclos, plus un animal fait caca, plus il a du chauffage, quoi. On va dire que ça schématise. Encore une fois, c'est pas si simple. On va dire que c'est pas si simple. Mais effectivement, les éléphants du zoo, ils ne le savent pas encore, mais leurs crottes, ils servent justement à chauffer leur bâtiment en hiver. Ouais, tu vois. Mais également chauffer la serre des gorilles. Ah ouais, c'est et les bassins. Il y a du coopératif. Ça permet de pouvoir chauffer. Alors qu'il y en a qui mettent moins de contributions. Il y a le reste du biogaz qui est transformé en électricité, qui permettra de réduire la facture du parc, mais pas tout. Ok. Ça représente combien de pourcents? T'as une estimation ou pas? Quand la méthanisation a été mise en route, qu'elle a réussi à être stable, ça représentait... Il n'y avait pas le dôme, hein. Le parc n'était pas aussi grand qu'il est aujourd'hui. Ça représentait 10% de la facture d'électricité. Ah oui, c'est pas énorme. Dit comme ça, ça paraît énorme, mais comparé à la facture globale, c'est pas négligeable. Ouais. Oui, sachant qu'ils ont d'autres alternatives. Par exemple, en 2011, ils ont installé 280 mètres carrés de panneaux solaires. sur le toit, encore une fois, des éléphants. Ils ont tout, ouais. Ce qui produisent 40 000 kWh par an. D'accord, ok. Oui, donc ils essaient de jouer sur différentes technologies, mais là, pour le coup, parce qu'autant sur le solaire, c'est, on va dire que bon, on va pas considérer ça comme une solution écologique en soi. Par contre, là, sur la méthanisation, on est quand même sur un principe écolo, quoi. On recycle vraiment le déchet pour, effectivement, pour le réutiliser. Et justement, à votre avis, qu'est-ce qu'on utilise autre que les crottes, etc., les animaux? Tu veux dire autre que la méthanisation ou toujours sur la méthanisation? Non, parce que là, je vous ai parlé des déjections animaux, mais ils les utilisent poils. D'autres choses. Les quoi? Sur les animaux. Tout ce qui provient. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre à part les déchets? En l'occurrence, ça ne provient pas des animaux. Non, ça ne provient pas des animaux, non. Des êtres humains, des ancêtres, des gens. Les végétaux. Les végétaux. Ah oui. Oui. Ah oui, j'avoue, oui. Ça pourrait. Les carottes. Ça pourrait, mais on va essayer de pas le jeter le foin. Simon. Je donne la réponse. Ouais, est-ce que juste une petite aparté, ce sont que les crottes des animaux qui sont herbivores et pas les carnivores. Mais est-ce que tout ce qui est le compost, ça produit du méthane? Oui. Tout ce qui est matière organique en décomposition produit entre autres du méthane, du CO2. Okay. Et on va jouer justement sur cette réaction. Okay. Si vous faites un tas de compost dans votre jardin, des micro-organismes vont dégrader la matière organique et produire naturellement du méthane. Le principe de la méthanisation, c'est de jouer sur le processus, l'augmenter à fond pour produire le plus de méthane possible. Et c'est justement ce qui est reproduit ici, puisqu'on a des grandes cuves qui sont anaérobies, c'est-à-dire sans oxygène, dans lesquelles les bactéries sont maintenues à 38 degrés, donc c'est parfait pour elles. Mm-hmm. C'est brassé, il y a grosso modo 30 tonnes de déchets qui sont rajoutés par jour dans les cuves. Ça paraît énorme comme ça, 30 tonnes, mais bon, en même temps, la taille du zoo de Beauval, c'est... Dedans, par exemple, tu as l'huile de friture qu'ils utilisent dans les hôtels où ils le mettent dedans. Voilà, ça c'est pour répondre à ta question, effectivement. On récupère donc les huiles de friture de la restauration, tu as raison. Le lisier, le fumier. Voilà, parce que le parc il produit à peu près 4000 tonnes de déchets qu'on peut mettre en méthanisation par an. Mais le méthaniseur a une capacité de 11000 tonnes à l'année. D'accord. Donc on va pas le faire tourner à vide. C'est pour ça que, comme l'évoque effectivement Angelina, on travaille avec les agriculteurs dans un rayon de 10 km autour du zoo. On récupère tout ce qui est primaire. Ils mettent aussi la contribution. Oui. Exactement. Et pas que les agriculteurs. Je vais revenir dessus, mais les agriculteurs pour eux c'est tout bénef. On travaille aussi avec des entreprises privées telles que Saint-Michel. Donc, les galettes? Oui, tout à fait. Parce qu'ils ont leur usine à côté. Sur à côté. Donc tout ce qui est résidus de pâtisserie, pâtes ratées, etc., les ingrédients périmés, on récupère aussi. On travaille avec Redzel, l'entreprise de cornichons basée à Bourré, près de Montrichard. Donc on récupère surtout les eaux vinaigrées, parce qu'il y a besoin de liquide dans le processus, il y a besoin d'eau. Donc, et qui s'occupe de ça? Il y a des personnes qui sont dédiées à ça? Il y a une personne, il y a un ingénieur qui est à temps plein sur l'usine. S'il n'est pas là, il peut tout monitorer depuis son téléphone chez lui. Et il a un assistant depuis quelques années maintenant pour l'aider quand il est en vacances, etc. Et qui c'est qui vient récupérer justement le lisier chez les agriculteurs, etc.? Attends, j'ai pas fait le tour. Ah, t'as pas fait le tour. Je voulais te poser une question. On travaille aussi avec l'huilerie de Noyers-sur-Cher. Avec donc les vieux moules, les restes d'huile, tout ce qui peut être périmé, etc. Donc tout ça, ce sont des déchets qui normalement sont traités en station d'épuration. Et ça coûte très cher à faire traiter. Donc ta question, redis-moi, pardon. Qui c'est qui vient chercher tout ça, du coup? Parce que j'imagine que ça va pas se déplacer comme ça tout seul. Tout seul. Alors la collecte de ces déchets, c'est géré par une entreprise qui est payée par Beauval. Ouais, d'accord. Donc ils ont quand même un coût de main d'œuvre important pour faire fonctionner ce principe de méthanisation. J'y reviendrai potentiellement, mais l'argent qui est rapporté par l'usine, ça couvre à peu près ses frais de fonctionnement. Ah, okay. On n'est pas dans une exploitation à but vraiment lucratif. Ouais. Le but du jeu ici, c'est vraiment de rentabiliser les déchets d'origine animale. D'accord. Et de limiter aussi les émissions de gaz à effet de serre par justement ces déchets. Et puis de toute façon, il faudrait quand même des personnes pour nettoyer. Donc peut-être que coup, ça fait une pierre deux coups. Tu nettoies et en plus, tu réutilises. Quoi. Ça aide. Comme disait Angelina, on va essayer de produire de la chaleur, puisque quand on récupère le méthane, je vous passe les détails du processus parce que c'est long et pas forcément utile. Quand on récupère le méthane, il passe dans un cogénérateur, une machine qui va pour brûler le méthane et donc émettre du CO2. Ouais. Là, j'entends les scandales. Oh mon Dieu, c'est du CO2. Comme je le disais, si vous laissez la matière organique se dégrader, elle va produire naturellement du CO2 et du méthane. Du fait qu'on capte justement ce méthane et qu'on le brûle pour ne produire plus que du CO2, on produit un gaz qui est moins puissant que le méthane d'un point de vue gaz à effet de serre. Donc c'est plutôt bien. Et voilà, donc à l'année, vu la quantité de gaz qu'on émet et ce qui aurait dû être émis normalement, on économise une quantité équivalente CO2 de 300 allers-retours Paris-New York en avion. Ok. Non, c'est bien. C'est énorme. C'est pas mal. c'est très bien. Parce que, ouais, tu veux. Ah, on n'a pas fini. Hein. Ah bon, ouais. Ouais, s'il faut que je fasse vite, tu me dis. Bah, on essaie de finir rapidement parce que. Je fais vite. Voilà, après, on a notre. Invité. Donc, la chaleur émise permet de chauffer un réseau d'eau. Le réseau d'eau permet de chauffer les cuves qui se permettent la réaction. Donc, on est en circuit fermé. Et le reste de l'eau chaude sert à chauffer, comme l'a dit Angelina, les bâtiments les plus proches, la maison des éléphants, la serre du gorille. Le reste de la chaleur va permettre donc de faire tourner une turbine associée à un générateur pour produire de l'électricité. Électricité revendue à EDF, ce qui permet donc l'économie dont on parlait. Et tout le matériau qui a été traité, bah, tout ne se transforme pas en gaz. C'est ce qui devient du digesta, donc un super engrais qui est redonné aux agriculteurs qui travaillent avec l'entreprise. Donc c'est l'entreprise qui est payée par Beauval pour aller chercher les intrants. C'est elle qui l'apporte à l'usine, qui récupère le digesta. Comme tu disais tout à l'heure, c'est tout bénéf pour eux. Le digesta, c'est encore une fois cette entreprise qui l'apporte chez les agriculteurs, qui fait elle-même les épandages. D'accord, ok. Donc ils ont tout à y gagner. Allez travailler, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, allez à côté de Beauval parce qu'il y a des avantages quand même. Et une partie de votre production peut être achetée pour nourrir nos animaux. Eh bah c'est génial. Donc, le but du jeu, c'était que tout le monde en profite, et qu'on rentabilise les déchets, qu'on ait une démarche éco-citoyenne. Et les entreprises dont je parlais tout à l'heure, leurs déchets qui normalement devaient les faire traiter en station d'épuration, ce qui leur a été proposé, c'est qu'on récupère ces déchets à Beauval, qu'eux ils fassent un don à l'association Beauval Nature, pas au parc, l'association Beauval Nature, du montant de ce qu'ils payaient autrefois en station d'épuration. Et comme c'est un don à une association, ils sont défiscalisés à hauteur de 66%. C'est vous y gagnez sur tous les plans. Et c'est une asso qui finance des programmes de conservation et de recherche un peu partout dans le monde. Ok, très bien. C'est une énergie qui est renouvelable. Hein. Oui, ah bah oui, ça fait partie. Parce que les pandas font toujours des crottes. Hein. Normalement, oui. À partir du moment où il y a des pandas. Parce que, mais il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a beaucoup. Il y en a en Europe, mais en France, il n'y en a pas. Des usines de méthanisation, on veut dire. Ouais. Ah oui, usines, aussi. Oui, pas des pandas. Mais aussi les pandas, il n'y en a pas beaucoup non plus. Usines de méthanisation, il y en a peu en France, il y en a un petit peu qui se développe avec des agriculteurs, etc. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup. Bah, peut-être que dans le futur, ça sera une technologie qui se développera. On a d'autres technologies comme ça, innovantes, dont va nous parler François. Ce que je vous propose, c'est, parce qu'on est très en retard sur notre timing, on écoute une musique, on reçoit notre invité, et après on reviendra sur quelques-unes des innovations. Je vous propose d'écouter un remix, un bootleg plutôt. On a mélangé, on a mis dans le mixeur B.O.B., Eminem et Taylor Swift. Et oui, tout ça ensemble, ça donne All Too Well. C'est un mashup et c'est sur Indestar. Merci d'être là. Indestar. C'est l'histoire de Thomas, de Lise et de Léa, de Mathéo, Zoé et Lucas. Ils habitent en France, au Canada ou en Belgique. Ils ne se connaissent pas, mais ont pourtant un point commun. Ils écoutent Indestar. Indestar. Indestar. Original, reprise et mashup, des émissions déjantées, des découvertes et du fun toute l'année, du bout des doigts, sur ton smartphone, ta tablette ou ton ordi. Indestar.fr, TuneIn Radio, Deezer ou Orange Radio, choisis ta plateforme d'écoute et viens rejoindre la communauté Indestar, là où tout commence. Bon, ça y est, les enfants sont couchés, on va pouvoir écouter notre émission. Oui, mais il est un peu tard, tu ne crois pas? Pas de problème, je vais sur indestar.fr rubrique podcast ou sur n'importe quelle appli mobile de podcast. Je cherche l'émission et hop, c'est comme si on voyageait dans le temps et qu'on se retrouvait au début de l'émission. Indestar, là où tout commence. C'est génial, ça veut dire qu'on peut faire un troisième enfant? N'exagère pas quand même. Something about it felt like home. Somewhere. n'ont sûrement pas inventé l'eau chaude, mais ils ont de bons tuyaux. Le chantier, c'est sur Indestar. Indestar et le chantier en ce mercredi soir avec notre chapitre sur l'électricité ce soir pour étudier toutes les technologies qui existent. Alors on a parlé évidemment de la solution traditionnelle avec Enedis et la centrale nucléaire puisque c'est majoritaire en France qui arrive jusqu'à chez nous. On a parlé d'autres technologies dont la méthanisation et puis on verra quelques innovations tout à l'heure avec François. Mais à part pour mon cas personnel avec tout à l'heure le journal du chantier, mais on n'a pas vraiment parlé d'une technologie qui se développe de plus en plus, qui est le solaire, le photovoltaïque. Mais ça tombe bien, parce que pour en parler ce soir, on a Sylvain qui est avec nous. Salut Sylvain. Salut. Ça va bien Sylvain? Ça va et vous? Bon bah impeccable de l'autre côté. Bonjour, ça va. Sylvain. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Bonjour. Sylvain, toi tu es ingénieur dans l'énergie solaire. Comment on en arrive là? Alors, on fait des études d'ingénieur, comme beaucoup. Okay. Et après, du coup, en fait, je me suis investi, j'ai fait une spécialisation dans l'énergie, donc l'énergie électrique. Et ensuite, j'ai pu travailler dans l'hydroélectricité, l'éolien, et puis dernièrement le photovoltaïque. Et pour voir un petit peu les différents domaines. Et ce qu'il faut voir avec les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires, c'est leur gros point fort. Qui sont adaptables à tout projet, aux particuliers, aux professionnels. On peut faire de la petite puissance comme grande puissance. Et c'est le gros atout du solaire aujourd'hui, c'est qu'il s'adapte à différents projets. Quand tu dis à différents projets, alors je suis d'accord avec toi, mais à partir du moment où on est propriétaire et en maison, parce que quand on est en immeuble, c'est impossible d'alimenter son appartement photovoltaïque. Oui, on est d'accord. Il pourrait y avoir sur des copropriétés, par exemple, il y a des projets qui émergent comme ça, où des copropriétés, donc entre propriétaires de différents parts dans un immeuble, un syndicat de copropriété peut décider sur, par exemple, un immeuble qui a une toiture terrasse, pourrait décider de mettre en place des panneaux solaires pour que ça puisse servir donc aux charges collectives, par exemple. Il y a des sujets comme ça. Mais aujourd'hui, oui, il pourrait avoir existé des petites solutions pour avoir un panneau. Mais ça reste, oui, du bidouillage. Ok. Écoute, Sylvain, on a plein de questions un peu différentes à te poser par rapport à ton travail, à ce que tu fais. Et justement, toi qui es passé par l'éolien et l'hydraulique, hein, c'est ça que tu disais. Quel intérêt tu trouves, en plus du fait que ce soit effectivement un peu plus adaptable et surtout dirigé vers les particuliers, quels sont les intérêts que tu trouves dans l'usage du photovoltaïque? L'intérêt revient à ça, c'est que c'est réellement simple à mettre en place, contrairement à l'hydroélectricité ou à l'éolien. Le micro-éolien à l'époque a fait un flop parce que ça coûtait assez cher en installation, puis après en maintenance. C'est des technologies qui sont un peu plus complexes à mettre en œuvre que le panneau photovoltaïque. Aujourd'hui, il est très éprouvé. Il n'y a pas besoin de grand chose. L'installation est assez simple. C'est des panneaux solaires. Ensuite, des câbles d'essai, il y a un onduleur qui va convertir l'énergie en énergie alternative, donc le 230 volts 50 Hz qu'on a dans nos prises. Et son gros atout, c'est celui-ci, en fait. On parle d'une énergie vraiment qui est très simple à mettre en place. Après, il y a toujours des problématiques au niveau des fabrications des panneaux qui sont très peu locales, les minerais. Principalement chinoise. Au niveau des matériaux, tu as des matériaux qui viennent de loin, visiblement. Et qu'est-ce qu'on utilise comme matériaux principaux? C'est du silicium. Ensuite, du silicium. Et en gros, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire des cellules monocristallines, polycristallines. C'est ce qu'on retrouve sur les panneaux pour capter la lumière. Voilà. C'est ça. On récupère les photons et du soleil, et puis après, ces cellules-là sont en capacité de l'emmagasiner et de les convertir, du coup, après, en électricité. Là, c'est des choses qui me dépassent un peu plus, car moi, je suis d'un point de vue électrique, dès que ça sort du panneau. Ce qui se passe avant, c'est plutôt de la chimie, pour moi. Et justement, après le panneau, on a la possibilité, alors selon les cas, on va peut-être revenir là-dessus après, mais de stocker cette énergie dans des batteries. J'ai l'impression que ces dernières années, peut-être aussi par les progrès qu'on fait dans l'automobile ou dans d'autres secteurs, mais que les technologies de batteries ont fortement évolué, et du coup les prix ont baissé aussi sur certaines technologies. Ça s'améliore. Le gros problème du stockage, c'est comme l'énergie a besoin de bouger, il peut y avoir de la perte dans le stockage. Ouais. La solution du stockage aujourd'hui, c'est une grande question avec les coupures d'électricité qui avaient été estimées envisageables pour pas cet hiver-là, mais l'hiver d'avant, on avait peur à des coupures d'électricité importantes. Il y avait beaucoup de solutions backup. On mettait en plus d'une installation solaire, on pouvait mettre des batteries en secours à hauteur de 3 kVA pour le congélateur, pour des choses comme ça. Ça, c'est des solutions qui sont hyper intéressantes. Il faut oublier, faut se rappeler qu'aujourd'hui, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue rentabilité, ça reste pas des projets qui sont rentables encore aujourd'hui. La solution batterie est adaptée pour des gens qui n'ont pas le choix de l'utiliser. Par exemple, sur des bateaux, sur des gens qui ont des logements alternatifs. On en fait plusieurs. Ouais, ce qu'on appelle en off-grid. En off-grid, c'est-à-dire couper du réseau électrique de la ville et du coup pour l'unique possibilité de stockage et de diffusion d'électricité quand le soleil n'est pas là, par exemple la nuit ou les jours de mauvais temps. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, les solutions de stockage, c'est un peu plus complexe à mettre en place, c'est bon, on sait le faire aujourd'hui. C'est juste que chaque projet est très différent et dans la vision du stockage, plus le client va avoir une approche de réduire sa consommation d'électricité au maximum, plus son installation sera intéressante d'un point de vue budget, d'un point de vue fonctionnement. Ouais. Parce que du coup, un parc batterie, en fait, c'est très compliqué à gérer. C'est beaucoup plus autant des panneaux solaires accordés au réseau en autoconsommation totale, sans batterie. Il n'y a pas besoin de maintenance. Et bien sûr, il faut faire des visites préventives, mais il n'y a pas de suivi de l'installation conséquente avec un parc batterie. Il faut le surveiller, il y a une régulation pour s'assurer qu'elle ne soit pas en décharge totale. Ouais. Et ça, c'est un peu au client, celui qui va gérer après son installation, de bien faire attention à ces points-là, que s'il y a plusieurs jours sans soleil, de bien faire attention que son régulateur est bien mis en marche, qu'il ne va pas tomber en panne. Parce que si les batteries se déchargent rapidement, en fait, on peut aller des durées de vie qui peuvent aller jusqu'à des fois 2-3 ans, des clients qui ne font pas attention à leur batterie. Et du coup, ça demande de les changer, et d'autres qui vont avoir... utiliser de la bonne manière et vont pouvoir avoir une durée de vie de 8-10 ans. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le gros problème de la batterie, c'est que sa durée de vie, c'est 10 ans. Et justement, au niveau de la gestion des déchets, que ce soit à la suite de l'usage, alors soit des panneaux, soit même de la batterie, ça se passe comment ? Alors aujourd'hui, sur les panneaux solaires, c'est recyclé à 95%. Donc il y a PVCycle qui a un centre de tri, c'est eux qui s'occupent de les collecter. Donc 95% du panneau est recyclable. Et ensuite, ces panneaux sont envoyés... Alors il y a un centre qui est géré par Veolia dans le sud-est de la France, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Mais en tout cas, oui, c'est aujourd'hui, on peut, à partir de tant de nombre de panneaux qu'on a chez nous dans nos entreprises, ou un client qui a une grosse installation et qui veut... Bon, ça n'arrive jamais à tout échanger d'un coup. À partir d'un certain nombre de panneaux, on peut les envoyer, ils partent en recyclage, quoi. Et du coup, au niveau de l'appellation ou d'utilisation, par exemple, d'énergie verte, etc., moi, je m'interroge, donc, effectivement, déjà au niveau de la revalorisation des déchets, mais surtout de l'origine des conditions humaines, d'où peuvent provenir les minerais ou la fabrication de certains matériaux qui font 3 fois le tour du monde. Oui, de toute façon, ça reste toujours la problématique. Chaque filière énergétique, donc que ce soit l'éolien, l'hydroélectricité ou le panneau solaire, va avoir ses bêtes noires. Donc, dans tout ce qui est motorisation, on peut retrouver des métaux rares. Donc, aujourd'hui, au niveau éolien, par exemple, anciennement, Enercon, je sais, et Siemens, je crois, on parle plus de ma mémoire de l'éolien. Mais il y a toujours des bêtes noires, quoi. Il y aura toujours, comme dans les smartphones, comme dans tout ce qui est utilisé aujourd'hui dans la technologie, malheureusement, oui. Ouais. Les cellules qui ne proviennent pas de Chine, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Du coup, énergie solaire égale énergie verte ou pas ? Oui, en tout cas, aujourd'hui, l'équilibre, alors ça, c'est à réévaluer chaque année. Il y a des études, sur le site de RTE. Sur le site de RTE, on peut voir le retour CO2, équivalent CO2, d'une filière énergétique. Il y a des diagrammes et ça évolue. Là, je pourrais pas bien se rendre compte entre les différentes technologies. Voilà. Mmh. Mais si vous êtes intéressé, RTE a développé toute une interface qui est simple d'accès et hyper chouette pour justement voir la place des énergies renouvelables, par exemple en France, ouais, et de voir leur retour équivalent CO2, de dire, bon, bah, entre la fabrication et aujourd'hui, on est à quelle moyenne, quoi. Ouais. Je reviens. Oui, aujourd'hui, l'installation, de toute façon, il faut se dire, il faut comparer ce qui est comparable. Et que ce soit dans la filière du nucléaire ou d'autres, du charbon, toute la thématique bilan carbone, il n'y a pas de solution miracle. Aujourd'hui, on avance. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, sur une installation solaire qui est mise en place, les panneaux solaires, voilà, on commence à avoir des vieilles centrales qui durent. Les panneaux solaires, c'est le panneau en lui-même va durer la totalité du contrat, par exemple, qui dure 20 ans avec Enedis. Ouais. On va l'avoir la totalité du durée. Les pièces qui vont, malheureusement, avoir besoin de changer, ça va être l'ondulant, donc l'électronique de puissance qui permet de convertir l'énergie. Lui, qui va falloir changer autour des 10 ans, 12 ans, dépend, pareil, comment on s'en occupe, comment il est ventilé. Il va avoir ça en élément maîtresse. Et après, oui, s'il y a un parc batterie, il y aura les batteries. Et ça sera plutôt ces éléments-là. Donc, un onduleur, c'est de l'électronique, quoi. Donc, comme tout appareil électronique, après on envoie ça sur des centres de tri qui revalorisent derrière. Là, je pourrais pas vous en dire plus comment ils récupèrent toutes les cartes électroniques, mais voilà. Donc, sur le panneau solaire, en vrai, il n'y a pas beaucoup de problématiques de changement de pièces. Une fois que c'est installé, à part l'onduleur qu'il faut changer une fois tous les 10 ans, souvent. Bon, il n'y a pas de grande réintervention derrière, quoi. Je reviens sur quelque chose dont on a un petit peu parlé, mais en vrac, pour bien qu'on comprenne les différentes possibilités d'installation. Tu nous as parlé d'autoconsommation tout à l'heure. Moi, j'ai parlé de off-grid. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui existe et pour quelle utilisation, qu'on comprenne bien? Oui, les installations du coup off-grid, donc vraiment que off-grid, ça va être vraiment coupé du réseau. Donc ça peut aller IKEA maintenant peuvent en fournir, un petit kit solaire que vous installez, et après il va falloir installer. En gros, la complexité du off-grid, c'est de créer un réseau et de rendre le système viable avec un 230 volts 50 Hz. Et ensuite, si les différentes pièces, ça va être du coup des panneaux solaires qui vont être installés soit en toiture, mais si c'est installé en toiture, il faudra toujours cette déclaration en mairie. Et puis une bonne exposition aussi. Une bonne exposition de la toiture, parce que faut pas l'installer n'importe où et pas sur n'importe quelle inclinaison non plus, quoi, si on veut profiter au maximum. En off-grid, on est plutôt à une orientation de 45 degrés, donc dépend pareil où on se situe. Donc par exemple au Pays de la Loire, on va conseiller une inclinaison au sud à 45 degrés pour capter même l'hiver, parce que le soleil est plus bas, on capte un maximum d'énergie en moyenne, sachant que l'été on a souvent moins besoin d'électricité. Donc voilà, il y a ce point-là, donc les panneaux. Ensuite, il va y avoir toutes les régulations de charge, donc l'appareil qui va permettre de convertir l'énergie, donc qui va permettre de réguler la charge des batteries en continu et qui va permettre de la reconvertir aussi en AC derrière. Il va avoir cette pièce-là. Ça, c'est de l'électro-puissance, c'est très, très fiable. Donc après, on revient au parc batterie, donc différentes technologies à plomb, à gel. Ça va être vraiment spécifique à la puissance, au nombre de décharges du client, parce qu'on peut avoir des clients qui vont juste vouloir consommer lumière, un frigo, des choses très très simples, mais on peut avoir aussi des clients qui veulent avoir, tu l'as déjà eu le cas, un monte-charge de voiture qui emploie des moteurs. Donc là, on va partir sur d'autres technologies qui ont une capacité de décharge beaucoup plus rapide et qui peuvent encaisser des décharges rapides. Qu'est-ce que tu penses, tu me fais penser à ça là, en termes de voitures, avec les voitures électriques qui arrivent en grand nombre, la possibilité d'avoir une charge dans les deux sens, c'est-à-dire de pouvoir recharger sa production de panneaux photovoltaïques, sa voiture, mais aussi de recharger avec sa voiture, sa maison. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de viable, ça? Alors, viable, c'est très complexe à mettre en place aujourd'hui, en fait, dans tout ce qui est compteur Linky. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si on va réussir à faire la maison, alors la voiture qui va recharger la maison en direct, c'est pas forcément comme ça, mais ce serait plutôt, en fait, le but du projet Linky, donc, qui a été mis en œuvre maintenant il y a plusieurs années, en 2017, je crois, 2016, où ça a commencé à réellement beaucoup se déployer. Aujourd'hui, dans le projet des smart grids, c'est l'idée de se dire que si beaucoup de gens ont des voitures électriques, Et c'est que pendant la nuit, en fin de journée, s'il y a besoin de consommation, on peut aller chercher dans ces batteries-là pendant qu'elles sont branchées, quoi, parce ouais. qu'elles sont pleines. On peut faire cet appel-là de courant en momentané. Mais alors là, je serais pas capable de vous dire si c'est d'actualité. En tout cas, si c'est de manière industrielle, c'est possible ouais. de mettre ça en place aujourd'hui, mais c'est de l'ordre de l'expérimentation. Je sais que pour avoir travaillé avec Inédis un petit peu, on a réfléchi à ces choses-là. D'accord. On a réfléchi à ces choses-là. C'est des choses qu'ils ont envie de mettre en place, qui sont intéressantes de se dire, bon, pour la pointe, pour éviter bah, tout ce qui est consommation aussi, tout autre, d'usines à charbon qui font la pointe, bon, pas trop en France, on a encore cette chance-là, mais ouais. dans d'autres pays, ça peut être, oui, un atout. Après. Ouais. C'est comme tout, c'est de la technologie, de la communication, de la régulation, et c'est des choses voilà, qui sont simples, pas simples à mettre en place. D'accord. Et le petit panneau solaire, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une installation électrique branchée au réseau et qui voudrait faire évoluer son installation, est-ce que, parce qu'on a beaucoup d'offres qui nous sont proposées, plus ou moins honnêtes, etc., est-ce que c'est une offre intéressante de se dire je peux compléter mon installation par du photovoltaïque? Est-ce que dans les années à venir, ou même maintenant, je peux en voir les bénéfices autres que le côté, on va dire, énergie renouvelable, mais aussi sur notre facture d'électricité? Alors là, tu veux dire si on part de zéro, si on a déjà une installation solaire et qu'on veut en remettre d'autres? Non, si on a une installation branchée au réseau, simplement, donc sans solaire, et qu'on okay, serait tenté par mettre des panneaux pour au moins une partie de sa consommation. Oui, là, il y a différents types, encore une fois. Si on veut juste combler, on se rend compte que bon ben en moyenne on a une charge fixe, je dis n'importe quoi, qui est à 1000 watts, donc 1000 watts depuis 150 années tout le temps dans la maison. On peut se dire qu'on peut faire une toute petite installation, donc un kit qu'on installe. Ensuite on peut faire de l'autoconsommation, donc par contre le surplus sera pas revendu. On déclare juste notre installation à Enedis pour dire j'ai une installation solaire. J'autoconsomme du coup à hauteur de, en fait c'est inférieur à 3 kW de puissance installée. On peut faire ces installations là sans de revente de surplus, et on peut autoconsommer tranquillement, donc faire une installation. Donc ça c'est la première solution, faire une autoconsommation simple, on met des panneaux, on autoconsomme, ce qu'on autoconsomme pas, hop, ça va sur le réseau gratuitement. Ensuite on passe sur un autre step de projet entre on peut toujours faire ça inférieur à 3 kg, bien sûr, et après jusqu'à 9 kg pour les particuliers, principalement, où là, on va faire une installation un peu plus conséquente, et on va autoconsommer et on va vendre le surplus. Ouais. Et oui, de manière, et bien sûr, de manière instantanée, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de, pas des aides, en fait, il y a une prime à l'investissement qui est faite avec EDFOA. Donc quand on installe des panneaux solaires pour faire du vente de surplus, cette revente de surplus, en fait, elle est achetée par EDFOA. Et EDFOA, donc selon si on fait un projet inférieur à 3 kg ou supérieur à 3 kg, il va avoir une prime à l'autoconsommation qui peut être alors là j'ai plus tous les chiffres en tête, moi je m'occupe beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, mais de autour des 1000 euros pour un 3 kg quoi, par exemple. D'accord, donc euros, ça d'aide. Mais ouais. Par contre le panneau solaire toute l'install solaire à 1 euro, on est d'accord que c'est du pipeau. Oui, alors là, moi, j'ai pas vu ça encore, mais Non, mais parce que en fait, ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut savoir pour les projets, donc pour un particulier aujourd'hui, ce qui moi me semble le plus pertinent, après chaque projet peut avoir ses spécificités, c'est que c'est de faire de l'autoconsommation en vente de surplus, en surimposition, parce que comme ça, on touche pas à la structure de la toiture, ça enlève beaucoup de problèmes de fuite. Voilà, l'intégration totale avait son but à l'époque pour toucher plus d'argent. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'intégration sur imposition, on a beaucoup moins de problèmes de fuite. Donc, ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'on met les panneaux quand même sur le toit, mais au-dessus des tuiles, c'est ça? Voilà, c'est ça, sur imposition. C'est des crochets qui vont venir se fixer à la charpente, mais qui vont passer fort au-dessus des tuiles, et ce qui évite tout risque de fuite. Quoi. Ouais. Parce qu'il évite tout risque de fuite, il peut y en avoir si c'est mal fait, mais normalement, si c'est bien fait, on a très peu de risques de fuite. Et donc, ce qu'il faut vérifier auprès des entreprises, c'est que toute entreprise, de toute façon, pour utiliser cette autoconsommation, vente de surplus auprès de DFOA, il faut que l'entreprise ait une décennale. C'est-à-dire qu'ils soient assurés pour l'installation qu'ils vont réaliser. Et ensuite, qu'ils soient RGE, Quali PV. Et en fait, si une entreprise n'a pas ces certifications-là, vous ne pourrez pas revendre le surplus. Donc, en fait, c'est tout installateur solaire aujourd'hui qui est compétent et qui fait bien son travail. Ouais. Qui vient chez vous faire une première visite, un commercial, Et ensuite, il va établir un devis, il va vous faire un petit dossier avec vous fournir sa décennale, son cal IPV, son certificat. Après, vous pouvez vérifier sur Internet aussi. Et là, ça vous assure de quand même tomber sur des gens... Ouais, c'est des points de vigilance à avoir, effectivement, quand on fait appel à des professionnels. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Sylvain. Pour tous ces détails et l'installation photovoltaïque, on te souhaite une bonne soirée et puis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Salut Sylvain. Bonne soirée. Voilà, donc vous en savez maintenant un petit peu plus sur l'installation photovoltaïque. Si ça vous dit, n'hésitez surtout pas. On revient avec nos bons tuyaux et quelques-unes des références. On n'est pas encombré là en électricité. Non, c'est vrai que les bons tuyaux, c'est dans tous les domaines, hein. Électricité compris. T'étais pas au jus. T'étais pas au jus, ouais, ça c'est les vannes du jean. En tout cas, oui, avec quelques-unes des références qu'on pourrait avoir, et puis on va revenir sur les solutions alternatives si vous voulez avoir du courant chez vous autre que l'électricité classique. Ce que je vous propose d'écouter, c'est un titre que vous connaissez forcément et vous pensez, j'en suis sûr à 99,9%, que c'est un titre original de Nathalie Imbruglia, sorti en 1997, qui s'appelle oui, bah Torn. Oui. Bah, voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Exactement. Et bien, sachez. Que Nathalie Imbruglia a repris ce titre. Alors j'avais envie ce soir d'écouter la version originale qui date pas de si longtemps, ça doit être 92-93, quelque chose comme ça, par un groupe Enna Swap. Et vous allez voir, vous allez forcément reconnaître la musique et même l'arrangement, vous dire « Oh mais en vrai, elle a copié à 90% ce qu'a fait Enna Swap, Nathalie Imbruglia. » Et pourtant, Enna Swap sont passés totalement inaperçus, en tout cas en Europe. Ça a eu son petit succès à l'époque aux États-Unis, mais très peu en Europe. Donc on écoute la version originale de Torn, signée Enna Swap sur Indestar avant les bons tuyaux dans le chantier. Illusion never changed. n'ont sûrement pas inventé l'eau chaude, mais ils ont de bons tuyaux. Le chantier, c'est sur Indestar. Oui, bon, ça, c'est vrai qu'on n'a pas inventé l'eau chaude, mais en même temps, qui l'a fait? On se demande, finalement. Et moi, j'ai inventé l'eau froide. Oui, bah, c'est déjà pas mal. Et l'eau tiède, tu mélanges les deux, ça fait un. Il faut déposer le brevet. C'est un mash-up, un bootleg. Merci d'avoir choisi Indestar pour passer votre mercredi soir. Peut-être que vous apprenez des choses ce soir, on l'espère, en tous les cas, que ce soit en direct ou en podcast, puisque cette émission sera disponible sur toutes les plateformes internet. Vous avez un compte Spotify, bah vous allez sur Spotify, vous tapez le chantier Indestar et vous pouvez réécouter notamment les deux précédentes émissions, une sur le gros œuvre et une sur l'achat. Si vous désirez faire l'achat d'un bien immobilier, vous aurez tous les tips et conseils. Nous, on a des conseils à vous donner ici aujourd'hui sur le chapitre électricité, quelques références en fait sur lesquelles on peut se documenter pour faire notre installation électrique dans les règles de loi de l'art et suivre la NFC 1500, c'est ça, je crois que j'ai appris par cœur. Et le laisser passer à 38. Exactement. Qui veut commencer, Nono? Alors je sais pas, mais je crois que François avait encore quelque chose alors, au sujet. On va revenir. Promis, on revient sur les technologies alternatives. Alors moi je suis une quiche en électricité. Okay. S'il y a bien un truc manuel que je déteste le plus faire, je crois que c'est l'électricité en fait. D'accord. Donc quand tu veux faire, tu demandes à qui? J'ai un copain électricien. Exactement, j'ai un copain électricien. Okay. Donc j'appelle Cyril. Mais sinon. Pour les gens qui veulent un petit peu savoir comment les choses fonctionnent, moi il y a une dame, je veux dire, parce que je sais pas trop quel âge elle a, elle doit avoir entre 40 et 50 ans, qui a une chaîne YouTube, elle s'appelle Sylvie Pereira, et elle a une chaîne YouTube où elle fait à la base beaucoup de bois, et en fait dernièrement, ça fait un ou deux ans qu'elle est en chantier pour fabriquer une tiny house. Okay. Donc une tiny house qui est pas mobile pour le coup, qui est sur une dalle, mais du coup format vraiment tiny house, ouais. Et donc elle fait absolument tout, c'est-à-dire au niveau de l'eau et de l'électricité, elle a dû faire les raccords. Ok, elle est raccordée. Réseau, cette elle dame. Est raccordée au réseau pour le coup parce que c'est dans un lotissement, une zone habitée, donc ils ont bien voulu qu'elle construise une tiny house. Pas vraiment, c'est pour ça qu'elle finit de la construire et elle se barre. Mais bon, elle continue en se disant le sujet peut être intéressant parce que du coup comme elle fait absolument tout, il y a aussi toutes les questions électriques qui se posent sur moi je fais mes plans et puis là va y avoir le four, là va y avoir là va y avoir ça, qu'est-ce que je vais avoir comme puissance, qu'est-ce qu'il me faut du coup comme raccordement pour pouvoir mettre en place l'installation électrique et faire les tranchées justement oui, sur en le conséquence, terrain. Ouais. Ok. Et juste une question, du coup, pourquoi t'aimes pas l'électricité? Parce que c'est relou. Ah, c'est relou. Non, il y a des câbles, il y a des câbles de toutes les couleurs. Faut mettre. C'est joli, les couleurs. Ouais, mais faut les glisser dans les plafonds. Moi, j'ai une autre question. Pourquoi les tiny house, les gens aiment pas? Ah, mais les gens aiment bien. C'est les voisins qui aiment pas ça parce que ça. Alors, est-ce que j'ai le droit de le prononcer? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui associent ça au mode de vie nomade et qui, pour le coup, voient ça d'un très mauvais œil, comme quoi, la pauvreté. Des gens qui déclarent pas tout, qui cachent des choses. Alors qu'en fait, parce que c'est juste, c'est pas une maison comme les autres à côté. En fait, du moment que t'as pas un habitat classique, on en avait parlé justement avec la yourte, c'est que du moment que t'as pas un habitat classique, les voisins vont le voir d'un mauvais œil. Ah, tiens, lui, il a une maison comme ça, ça se trouve, il déclare pas tout. Et il y a un truc comme les gens qui vont vivre dans un camion, alors que c'est sur leur terrain. Du moment que t'es sur ton terrain et qu'en plus le terrain est constructible, en soi, t'es chez toi. Et pourtant, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Et si t'as pas de construction en dur, tu peux pas vivre dans ton camion à côté. Peut-être qu'un jour tout ça changera parce qu'il y a d'autres pays, notamment en Europe, mais sinon aux États-Unis où il y a plein de règles qui n'existent pas là-bas. Donc peut-être qu'un jour, face à la crise du logement, etc., ça sera assoupli. Mais en tous les cas, pour le moment, si tu ne vis pas dans un bâtiment traditionnel, t'es emmerdé, tout simplement. Tu peux pas acheter un terrain et poser un camion et te dire. Non, c'est pas ça. Imagine que l'administration veuille te joindre. Toi, t'as décidé de partir avec ton camion sans prévenir personne, elle peut plus te joindre. Je pense que c'est en même temps. Si t'es joignable. Mais si t'as une maison en dur et que t'es plus là parce que t'es parti vivre à l'autre bout, c'est pareil. C'est quand même rare que les gens abandonnent leurs biens comme ça. Il y a un certain nombre de raisons, mais bon, c'est surtout aussi pour des raisons esthétiques. Les raisons, parce que si t'achètes ton terrain et que tu mets ton camion. Je sais. Je ne travaille pas dans l'administration, mais pour moi, ce serait une raison pour expliquer. Je pense que c'est même simplement pour que tout le monde fasse pareil. Oui. Regarde, la couleur des volets, t'as pas le droit de mettre la couleur. Pour qu'il y ait une unité quelque part. Si t'es différent, ça va pas aller. C'est pas ce que tu veux. En fait, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait décidé que tout le monde doit. avoir des volets blancs. Bah, tout le monde a des volets blancs. Voilà, et c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Brigitte, t'avais des sources. Attention, en deux minutes, on est dans les théories du complot. C'est pour ça qu'avant, je change. On nous cache des choses. Moi, je tiens à signaler que Brigitte, à chaque fois, elle a toujours son petit papier. Et elle fait toujours ça extrêmement bien. Eh oui. Hey, les institutrices en même temps. Oui, j'ai vu sur il y a un site qui s'appelle Bricoleur Pro. Ok. Donc qui dans tous les domaines, dont l'électricité. Ouais, ils donnent des conseils quoi. Ouais, des conseils. J'ai vu aussi une chaîne YouTube comme un pingouin dans le désert. Ah bah oui, on les connaît bien. On en avait parlé. Ouais. Ah oui. Fait toute leur, Kevin et Salomé, ouais. Ouais. Voilà, parlé, D'ailleurs, Salomé est en train. On en avait parlé l'autre fois, je crois brièvement. Mm. Elle est en train de construire sa maison en A et et elle en profite. Elle a aussi des dépendances. Dans ce qui existe sur son terrain et elle restaure aussi les dépendances. Donc c'est pareil, elle touche à tous les domaines. Dont les tutos sur l'électricité. Mmh. Oui. Il y a aussi le Roi Merlin qui propose, comme ils font des tutos sur différents domaines. Ils font des cours aussi chez le Roi Merlin. Oui, nous on y avait été avec elle faire des cours de menuiserie. C'était bien. Voilà, ouais, c'était sympa. Il y a des cours aussi pour réaliser les bases de l'électricité. Ouais. Voilà. Et puis j'ai trouvé un livre, alors je sais pas, tu l'as pas lu, c'est une honte. Et voilà, qui s'appelle Réaliser son installation par soi-même. Ok, installation électrique. Ça peut aider. Voilà. Quelqu'un d'autre avait quelque chose à ajouter concernant les. Bah, moi j'appelle tonton. Ouais, tonton électricien. Donc à chaque fois qu'il y a eu des travaux à faire chez mes parents, parce qu'ils ont déménagé deux fois, bah on appelait tonton quoi. D'accord. Et tu. C'était à faire avec tonton ou c'est tonton qui faisait ? Non, c'était avec. En fait, papa il passait les fils, tout ce qu'il savait faire déjà de base, passait les fils, etc. Puis lui il faisait juste les raccords. D'accord, ok. Oui, ça permet d'être sûr vraiment de se. Moyennant un petit repas et puis voilà. Ouais, un petit repas. c'est pas mal. moi je vous en ai brièvement parlé tout à l'heure, mais j'ai. Les syndicats d'électricité, pour vous rappeler un petit peu le rôle, donc les syndicats, ce sont des organisations qui ont quand même un rôle important à jouer aujourd'hui, puisque ils s'assurent que l'électricité reste abordable pour tous. Bon, je sais pas si c'est vraiment le mot abordable et cohérent, mais égal pour tous, c'est-à-dire qu'on soit à la campagne ou en ville, même si l'installation électrique est plus lointaine, alors à partir du moment où il y a un réseau, hein, parce que s'il y a une extension de réseau, c'est à la charge du propriétaire, j'en sais quelque chose, mais sinon, voilà, qu'on soit en ville ou à la campagne, que le prix de l'électricité reste le même. Et depuis quelques années, ils ont un rôle encore plus important, qui a été délégué par l'État, comme par exemple faire la promo de l'énergie durable, c'est-à-dire renouvelable, qui peut se régénérer en pas très longtemps. C'est le cas de l'énergie solaire, des éoliennes, l'hydroélectricité avec les barrages, par exemple. Et tout ça dans le but d'accompagner la transition écologique et faire en sorte que tout ça, ça soit un petit peu équitable partout. Voilà. Et moi, l'expérience que j'ai eue avec le syndicat, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai fait ma demande auprès d'Enedis et c'est quelqu'un du syndicat qui m'a appelé et qui m'a fait un devis plus précis sur le prix que ça allait me coûter en me disant que le syndicat prenait quand même 40% de prise en charge du chantier, même si ça restait très cher au final. Je pense qu'on va pouvoir embrayer sur notre François avec, on vous l'a promis tout à l'heure, d'autres technologies alternatives. J'en connais d'autres aussi. C'est vrai. Ah, ben, on va laisser François s'exprimer quand même, mais si tu veux rajouter des choses, il n'y a pas de souci. Ça va être très succinct parce que en fait, on a parlé de plein de choses. Ouais. J'avais marqué 5 petits points. J'ai pensé en alternative à l'hydroélectricité. Ouais. Vous parlez un petit peu de la technologie. Donc l'hydroélectricité utilise la force de l'eau, généralement d'une rivière ou d'un torrent, pour faire tourner une turbine qui produit de l'électricité. Donc plusieurs avantages. Source d'énergie renouvelable en continu et continue. Faible émission de CO2, longue durée de vie et des équipements inconvénients, dépendance à la proximité d'une source d'eau, forcément. Ouais. Il faut qu'il y ait de l'eau parce qu'en été. Effectivement. Voilà, devrait pas y avoir trop de mal dans cette période. Pour l'instant, ça va. Coûts initiaux élevés pour l'installation du système de collecte d'eau et de la turbine, impact potentiel sur l'écosystème aquatique. Ouais. Je me suis posé la question aussi de l'adaptabilité, forcément. Donc, effectivement, ça convient davantage aux maisons situées près d'une rivière ou d'un torrent avec un débit d'eau suffisant pour faire fonctionner la turbine. Et en termes de coût, pour une puissance de 1500 watts, il y a un coût environ de 5000 euros. avec les accessoires. D'accord. Ok. Les accessoires nécessaires. Quand même assez important. Alors que pourtant la technologie, elle est quand même toute bête dans le sens où c'est la force de l'eau qui entraîne ta turbine. Ta turbine, ouais, effectivement. Peut-être que c'est parce que c'est pas très répandu non plus. Et c'est plus cher que le choix que t'as fait. Je pense par rapport au nombre de watts produits. Oui. Ouais. J'ai calculé vite fait dans ma tête. D'accord, c'est très bien. Ok. Autre chose, ouais. Autre chose, je peux. Hein. On t'écoute, on est tout oui. Ça peut se faire. J'ai vu la cogénération au gaz. Je crois que Simon en parlait hein, de cogénération. Cogénérateur qui, en brûlant du gaz, pouvait produire à la fois de la chaleur pour chauffer un réseau d'eau et l'électricité en parallèle. Ouais, et effectivement, corrige-moi si je me trompe. Donc là, on parle d'une technologie, c'est une chaudière micro-cogénération. Elle utilise le gaz naturel pour produire à la fois de la chaleur pour le système de chauffage et de l'électricité à l'aide d'un moteur. Quand tu dis gaz naturel, c'est-à-dire le gaz de ville, en fait, ou c'est autre chose ? Le méthane. Ah. Non, mais oui, le méthane, c'est on fait la méthanisation, mais sinon, ça peut être... J'ai lu, en fait, effectivement, ça pouvait être du gaz de ville. Ok. Et voilà. Ouais. Non, mais voilà, je vais continuer. Non, en avantage, en fait, utilisation efficace du gaz naturel pour produire à la fois chaleur et électricité, possibilité de fonctionner en autonomie ou en complément d'autres sources d'énergie renouvelables, et qu'il y avait un faible émission de CO2. Ouais. Inconvénient, dépendance au réseau de gaz. Ouais. Coût initiaux élevé pour l'installation du système de micro-cogénération, nécessite un espace suffisant pour l'installation du moteur. Ok. Donc ça convient très bien aux maisons individuelles. Et l'installation peut coûter entre 10 000 et 20 000 euros. Ah ouais. Pour une puissance de 6000 watts. Ah oui, on est quand même sur de la puissance plus importante qui normalement peut alimenter une maison plus chère que ta maison. Ok, très bien. T'en avais une autre ou c'était tout sur l'alternative? C'est à peu près tout. Ouais, Simon. Pour faire vite, des alternatives, on en a plein. Connaissez-vous par exemple la piézoélectricité? Moi, je connais l'électricité italienne. Ça aurait pu, mais je pense que le nom vient effectivement d'origine au moins italienne. Ok. C'est de l'électricité que vous produisez par agitation. Donc ça va servir surtout à recharger de petits appareils. Il y a des lampes torches. T'as les montres aussi qui se rechargent en marchant. Ça marche bien, par exemple, Angers qui est hyper actif. Ça fonctionne. Des petits appareils peu gourmands en électricité, comme une montre, par exemple, ou une lampe torche. Ouais, mais elle est peu gourmande en électricité. Si vous les gardez sur vous, l'agitation que vous avez toute la journée, ça va recharger effectivement la batterie. D'accord, ok. Il y a la géothermie qui est très largement utilisée dans des pays qui ont des sources géothermales proches. Après, le noyau de la Terre, c'est un peu comme une centrale nucléaire. Donc, du moment que vous creusez assez profond, vous trouvez assez de chaleur pour faire chauffer de l'eau, tourner une turbine, produire l'électricité. Il faut creuser. Voilà. Alors, il y a des régions en France. Pas trop profond. Il y a des régions en France. Sont en Chine. Il y a des régions en France qui, étonnamment, pourraient effectivement fonctionner à la géothermie. Pas aussi bien qu'en Islande, hein, je vous l'accorde. Ouais. Mais ça pourrait être intéressant. On peut pas le mettre partout de façon rentable. Parce que, comme je dis, il suffit de creuser assez profond. Mais voilà, ça coûte de l'argent de faire une installation. À faire des trous partout après. Voilà. Et puis, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui ont essayé, alors pas forcément pour produire de l'électricité, mais pour des pompes à chaleur. Et qui se sont retrouvées à creuser sous des sources souterraines et à bousiller ça. Et il y a notamment des villages dans l'est de la France où ça a totalement éclaté ces nappes d'eau. Et tout le village bouge maintenant. C'est-à-dire que toutes les maisons, c'est un terrain en mouvement. Le sous-sol, c'est un domaine très particulier. Ouais, c'est ça. Et en fait, faut bien l'étudier avant. Bien sûr. Faut pas y aller comme ça en se disant, bon, il suffit de creuser assez profond et j'ai trouvé la chaleur. Mais tout le village doit le détester, là, le village. Ah, ben oui. Alors que le pauvre y est pour rien parce qu'en plus, c'est une entreprise qui l'a fait. Mais tout le village et dans quelques années tous les habitants devront quitter ce village là il y en a qui ont fait construire des maisons neuves, etc. Mais personne veut l'acheter, la baraque. Je suppose qu'il a déménagé, non? Ah bah lui non, mais tous les autres habitants non plus, et ils sont invendables en fait. Oh là là. Parce que ça s'est su forcément. Et pardon Simon, j'ai vu un truc comme quoi à 3000 mètres de profondeur, dont 3 km, il y avait déjà une température de 100 degrés, je crois. Ouais, facile. Et dans certaines parties du globe, Ça peut même monter à 200 degrés. Oui, mais ça dépend de l'épaisseur de la croûte terrestre sur laquelle tu te trouves. Mmh, c'est pour ça que je dis qu'en Islande, c'est parfait. T'as pas besoin de creuser très profond pour trouver une source volcanique. Donc, ouais. c'est nickel. Ouais. T'as direct le volcan chez toi. C'est un peu dangereux, mais c'est bien. Tu creuses trop profond, t'as la lave dans ta salle de bain. t'as une source de chaleur. Elle est chaude, la douche. Bah, ouais, tu mets elle est un peu brûlée. Super. Non, n'allume pas le chauffage. Il y a un volcan dans la cuisine. Autre source d'électricité, ma foi, inépuisable, c'est le phénomène des marées et des vagues. On peut placer. On peut placer des appareils. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Non, en pleine mer, ouais. On en a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. Mais ça fonctionne, mais c'est encore à l'étape de test. Ouais. Où le simple fait du mouvement, ça va. C'est de l'énergie. Vous placez des aimants dedans. Les aimants, du fait de leur mouvement, vont créer des différences de potentiel qui permettent de générer l'électricité aussi. Mmh. Vous avez la même chose si vous vous placez côte à côte deux cuves avec une membrane sensible. Une cuve remplie d'eau de mer, une cuve remplie d'eau douce. Ça fait une différence. Ah ouais. Vu la concentration en sel d'un côté et l'absence de sel de l'autre, ça crée un potentiel chimique qui peut être changé en potentiel électrique. D'accord. Encore une fois, la puissance générée est assez faible. Pas de quoi nous alimenter une ville. Ouais. Mais il y a peut-être quelque chose à creuser. Ouais, mais... Et puis chez nous, il faut aller au bord tu de la mer pensé, à chaque fois. Hein, pour ta maison, ça. Hein. Ouais, mais vu tout. C'est un peu loin de la mer. Vu la longueur du littoral français, il y a peut-être quelque chose à creuser. Oui, non, mais c'est vrai, complètement. Ou alors vous avez aussi la fusion nucléaire qui se développe depuis l'année dernière. Première fois l'année dernière, si je dis pas de bêtises, peut-être 2 ans, mais peut-être pas autant, que des chercheurs ont réussi la fusion et non pas la fission nucléaire. Ouais. La fission, donc vous pour faire simple, c'est vous cassez. C'est un grand rêve, la fusion nucléaire. Ça fait des années qu'on en parle de ça. Mais oui, mais on a enfin réussi à la pratiquer à toute petite échelle. Mais c'est intéressant. La fission nucléaire, pour faire très simple, vous cassez un atome en deux, ça libère de l'énergie. Vous l'utilisez pour chauffer de l'eau, faire tourner votre turbine. La fusion nucléaire, vous collez deux atomes entre eux, vous les pressez tellement fort que ça fait un seul et même atome et ça libère. C'est comme si vous fusionniez deux entreprises, il faut forcément écrémer un peu le personnage. Bah, c'est pareil, vous fusionnez deux atomes, il y a des éléments en trop, donc les éléments ils partent dans tous les sens, ça libère de l'énergie, etc. C'est à Toulouse qu'il y a un grand. Je sais plus comment on appelle ça, mais de fusion nucléaire, c'est là-bas, il me semble. Il y en a eu, ouais. Ouais. Il y en a qui a pété. Il y en a qui a pété, d'accord. Ouais, il y a quelques années déjà. Dans la région de Toulouse, il y a eu un incident nucléaire. Ouais, ok. Il y a pas un truc avec le thorium aussi. Le ça thorium, qui est, en fait, qui est un composant de l'uranium, je crois, ou quelque chose comme ça, et qui se trouve dans la nature et qui pourrait être utilisé. Le thorium, c'est un métal lourd, et dans certains cas, il peut y avoir des isotopes, je vous passe les détails, mais des versions, on va dire, du thorium qui pourraient être utilisées. Mais le plus facile à exploiter et celui qui émet le plus d'énergie, actuellement en tout cas, c'est l'uranium-235, l'uranium. Comme tu l'évoquais tout à l'heure. Oui, puis il est très répandu aussi. Mais à ce compte-là, si vous prenez du granit que vous trouvez à fleur de sol dans les massifs armoricains en Bretagne, il est radioactif. Ah bon ? Ah oui, le granit est radioactif. Il est faiblement radioactif, mais il l'est. Ok. Et il y a très peu de matière qui n'est pas du si tout radioactive. Si vous habitez en Bretagne et que vous avez une maison en granit rose, dites-vous qu'il y a de la radioactivité dans les murs. C'est pas dangereux, c'est pour ça que. C'est pas dangereux en dessous d'une certaine concentration. Une maison en granit qui n'est pas aérée, elle va concentrer un gaz qui est produit par les matériaux radioactifs, le gaz radon, qui à fort taux devient très vite toxique. Ok. Donc aérez bien vos maisons en granit. Mettez de la VMC si vous avez une maison en granit. Ok. Bon bah merci Simon et merci François pour tous ces petits détails. On va jouer ensemble le quiz. Alors quiz deux équipes cette fois-ci. On aura l'équipe d'Angé et l'équipe de Noémie. Voilà. Et on va s'affronter à coups de questions bien sûr en rapport avec l'électricité. Et ce sera après la reprise d'une chanson qui est sortie très très récemment. C'est le dernier. Beyoncé, qui est très country. Très country, exactement. Je sais pas si vous avez écouté la version originale. Nous, on va écouter la version de Davina Michelle sur Indestar. Ça s'appelle Texas Old Aim. Et tout est dans le nom, c'est Texas, donc c'est country. Indestar. Le direct. Indestar.fr. Les podcasts. Indestar.fr. Retrouvez un titre passé sur l'antenne. Indestar.fr. Les infos sur les émissions. Indestar.fr. Les vidéos. Indestar.fr. Les infos artistes. Indestar.fr. Le café du matin. Indestar.fr. Une voiture diesel. Indestar.fr. Des lasagnes au poulet. Indestar.fr. Waouh, il y a beaucoup de choses sur Indestar.fr. Mais je ne suis quand même pas certaine pour les trois derniers. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé et avoir la carrière de balavoine. Je chante dans ma chambre, j'enregistre, je fais écouter aux copains, ils aiment bien, mais j'aimerais aller plus loin. Tu sais que c'est possible. Ah, Et comment ça? En envoyant tes prods à indestar@live.fr ou en MP sur Facebook. On écoute, on te répond et on peut t'annoncer ton premier passage radio sur Indestar. Là où tout commence, même pour toi. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, round, round, round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the flow now. There's a tornado in my city. Hit the basement, that shit ain't pretty. Rugged whiskey, cause we surviving. I've red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh. One step to the right, we headed to the dive bar. We always thought was nice. Me to the left, then spin me in the middle, boy. Oh, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your car down, down, down, down. And park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, round, round, round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch. Come take it to the floor now. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me, too. Eh, hey, vous êtes au courant? Le chantier, c'est sur Indestar. Restez branchés. Non, j'ai pas d'autres blagues sur l'électricité, pourquoi? C'est au jus. Oui, c'est vrai que c'est bien. Ou éclairé. Et c'est le moment de jouer dans le chantier pour terminer cette émission. Oula, ça va être dur, moi j'ai pas la lumière à tous les étages. Hein. Ah bah, suffit de tuer à un étage et ça fait des économies d'énergie. Très bien. Votre blague n'était pas du tout empoulée. Ça va, vous en avez d'autres ou... Ah oui, oui, oui, j'en ai plein. D'accord. Il y a tellement de niveaux là qu'on va être pas... avoir du mal à s'y aligner. Nous, avec François, on a eu une petite conversation en off. On est pour la sobriété. Donc la sobriété, bah, en fait, aussi, ouais, niveau c'est humour, tu vois. C'est la vraie clé. Hein. La sobriété en humour aussi. Ouais, okay. Économisons l'énergie, ne les dépensons pas en blagues inutiles. Exactement. Bon, par contre, il va falloir tout envoyer pour répondre aux questions qu'ils ont préparées, Angé et Nono. Et il va y avoir deux équipes. Alors moi, je ne vais pas jouer. Par contre, je vais vous regarder et je vais même faire plus que ça puisque je vais compter les points. Okay. Il va me falloir une petite ardoise d'ailleurs si tiens, si Brigitte veut aller chercher Brigitte une ardoise juste à côté. Bah oui, elle s'appelle comme ça, c'est comme tu vois, tu t'appelles Angelina, bah c'est pareil, tu vois, c'est, oui, non, mais c'est la même idée. Comment tu appelles ta mère? Ah bah c'est Brigitte. Brigitte. Comme toi tu appelles ta mère Noël puisque ça s'appelle Noël. Voilà, c'est la juste... mère Noël. La mère Noël. Oui, alors moi je... la meilleure bête de la soirée. Donc Angelina peut dire Noël ma mère. Exactement. Et puis j'ai Noël toute l'année. Bah oui, c'est vrai que c'est Noël toute l'année. Ah ouais, c'est... Non, mais moi je l'appelle par son prénom parce qu'elle n'entend pas le mot maman. Elle ne l'entend plus depuis des années. C'est sélectif. Elle en a eu marre de la fonction. Ouais. Trois enfants, c'est trop tard. Ouais, le mot maman, elle l'entend plus. Et quoi quant à Noël, ma mère, c'est une ancienne référence politique. Hein, pour ceux qui n'auraient pas la rêve. Quoi qu'il en soit, étrange façon que vous avez de dénommer vos génitrices respectives. Oui, bah c'est vrai, mais moi c'est qu'à la radio. Fais comme on peut. Alors, on a l'équipe de Nono et on a l'équipe d'Angé. D'accord? Donc, okay. Qui est avec qui? Oui, j'allais dire qui, ça nous on dit de quoi flac. Qui est avec moi? Comme ça, Lisa, ouais. Brigitte avec Angé, ouais. Et hein, comme ça, on est d'un côté du studio un homme, une femme. Et de l'autre. Et ça vous permet, bah, si vous êtes sur Twitch, de bien suivre l'équipe gauche et c'est l'équipe droite. Brigitte. Non, oui, ça fait trois filles contre trois, ah deux ouais, garçons. J'aurais équilibré, moi. Mais ouais, mais après, mais on sait qui est avec qui. Tu ah, veux, c'est compliqué pour se concerter, quoi. Ça fait quoi, ça c'est... J'ai pas compris, donc. C'est un peu technique, cette histoire. Alors, ça devrait pas être si compliqué. Je redis, François, Noémie et Simon. Ok. Les Total Spice. Et Angé, Angé, Lisa et Brigitte. Lisa, ok. Ouais, moi, je veux être Clover, je veux être la blonde. Moi, je suis Alex. Il te reste l'autre. Bon bah François c'est ça. J'allais dire Piper mais c'est pas la même rêve. Pas du tout. Mais non, Friends. Allez François, bon le jeu. Qui commence, Noémie? Bah vas-y, ouais je commence. Allez parti. Alors bon, j'ai préparé quelques questions mais vu que bah comme cité un peu plus tôt, je suis une quiche en électricité. Donc là c'est une question pour l'équipe d'Angelina. Okay. Ah bon, c'est pas de vitesse. Ah oui, c'est le principe en fait. Ok. Alors pour l'équipe d'Angelina, bon j'ai des petites questions effectivement qui sont plus ou moins compliquées. Moi elles sont pas trop compliquées, ça va. Je suis pas de la bonne équipe, mais si j'ai la main, je peux agiter. Si j'ai la réponse, je peux agiter frénétiquement la main. Tu peux agiter frénétiquement la main dans le vide, oui, si tu veux. De toute façon, Simon, tu t'agites tout le temps. Ne lis pas la feuille. De ça produira de l'électricité. Oh, y a pas les réponses. Ah oui, ça produira de l'électricité, très bonne, très bonne de l'énergie à tout le moins. Alors au niveau des branchements, quand on a des câbles, en général on a trois couleurs. Ah, le fil rouge. Lesquelles? Sur le fil rouge, le fil vert sur le fil vert, très important, ça c'est une référence. Très bonne référence. Comment j'ai le droit de jouer du coup? Le fil bleu, bah, le fil gris. Ah, il y a jaune, il y a rouge. Mais il y en a plus que trois couleurs. Ah, et trois couleurs principales. La question c'est quoi alors du coup? Oui, alors il y a... Bah, les trois couleurs principales. Il y a jaune, il y a rouge. Il y a Simon qui s'agite pour produire de l'électricité. Il y a une petite subtilité quand même. Je crois que Simon est au courant. Alors, quand on a un câble, en général, vert. J'hésite entre le vert et le bleu. C'est vraiment ceux qui vont servir à l'alimentation. Ouais. L'alimentation principale, en général, on a trois câbles. Mm-hmm. Oui, oui, oui. Quelles couleurs sont-ils? Moi, j'aurais dit jaune, rouge. Le rouge. Il y a du rouge. Je sais plus si c'est le bleu ou le jaune. Et le bleu. Jaune, rouge, bleu, moi, je dirais. Bleu. Du bleu. Bleu. Est-ce qu'on peut... Nous bloquons les paroles. Les réponses. Point, mais est-ce qu'on peut donner une réponse? Non. Vous pouvez nous aider? Allez-y. Bah, de toute façon, elles ont donné la réponse. Non, mais il y a... Il y a la réponse. Alors, avec une petite subtilité quand même, il y en a un qui est vert et jaune pour la Terre. Oui, c'est pour ça que j'ai hésité. Mais oui, il est plus jaune et il y a peut des petits être marron le truc. Y a ah non, c'est pas bon. Marron, c'est encore autre chose le marron, oui. Mais en général, non. C'est t'as le. L'alimentation. Là. Alors tu peux avoir. En général, t'as toujours le rouge. Pour la phase. Après, le bleu, il peut pour être le gris. Neutre. Non mais Simon, j'ai d'autres questions en fait. Tu te tais. Tu fous en l'air son truc. Oh là là. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs en fonction et donc bah faut pas être daltonien. Mais le marron, ouais. tu as raison parce que sur l'installation électrique, bon en principe c'est rouge, mais certains équipements que tu peux acheter, des fois le rouge se transforme en marron, en le marron, bleu se transforme en je sais pas en gris. Pas. Oui, et c'est relou parce que toi t'es là, tu dis bah non mais je comprends pas, normalement c'est le vert sur le bouton vert, le bleu sur le bouton, tu vois, et là ça te perturbe, il faut que tu en relises la notice et savoir à quoi. Et puis des fois faut brancher la terre, des fois faut pas la brancher. Mais ces câbles, à proprement parler, il y a une différence? Ouais, et enfin, c'est la raison de ma prochaine question. Non, mais voilà. Outre les branchements, est-ce qu'il y a caractéristiquement... Il y a une différence, et c'est ma question qui suit. T'es sûr qu'ils sont dans ton équipe? Parce que du coup, ils nous balancent tout à l'avance. Angelina, à toi. Oui, alors moi, mes questions sont faciles aussi. Je vais vous demander, comment appelle-t-on le dispositif qui protège les circuits électriques contre les surcharges? Le disjoncteur. Bah oui, bah voilà. Ouais, trop facile. C'était un peu facile, hein. Je rappelle que tu donnes le point à l'adversaire quand tu fais des questions trop faciles. Mais je savais pas que j'allais être contre lui. Ah bah oui, mais c'est à l'adversaire. Simon, tu n'as pas agité frénétiquement la main. Oh, pardon. Ça ne compte pas. J'ai pas dit Jacadie. Tu n'as pas produit d'électricité, ça ne compte pas. Alors, Noémie. Alors, deuxième question. Alors, d'où vient le courant? Est-ce qu'il vient du neutre? Est-ce qu'il vient de la phase? Ou est-ce qu'il vient de la Terre? Pas de... Il vient pas de la Terre, c'est sûr. Du courant. Donc il vient de la phase? D'un point de vue conventionnel ou physique? Mais parce que Simon, s'il c'est pas neutre, toi qui réponds. S'il est neutre, il est neutre? Non, je sais pas. C'est non, mais Suisse. Le neutre, ça doit être relié mais le à courant, la il vient des vagues, ouais, non? Moi, je dirais la phase. Hein, personnellement. Ouais, moi, par déduction, je dirais la phase. Le courant va de l'amont vers l'aval. Toujours. Moi, je dis que c'est le fil rouge. De la phase. Et la phase. Les du deux coup. Disent la phase, donc. Bah, ouais, c'est la phase, c'est le pôle plus. Et c'est le rouge. Et justement, ça, c'est d'un point de vue conventionnel. Ça fait double question, double réponse, j'ai dit fil rouge. Non, c'est d'un point de vue conventionnel, parce que d'un point de vue des particules, en fait, les électrons iraient plutôt de la borne moins vers la borne plus. Tout à fait. Et notons que ces questions sont. sont nettement plus difficiles que la partie adverse. Ah oui, on peut doubler les points. Excusez-moi, mais moi, ma question. On peut doubler les points. La première, je suis d'accord. Mais celle-ci, d'où vient le courant rouge, bleu ou vert? Non, mais de Noémie, c'est beaucoup plus dur que Non, j'ai pas trouvé que cette question était difficile, si je peux me permettre. Sincèrement, je sais pas si j'aurais eu bon à la première réponse. J'en suis là. Mais t'as eu bon à la deuxième, c'est ce qui compte. C'est bien. Attention, moi, je vais poser une question, mais d'une facilité. Ah bah encore, voilà. Quel est le rôle d'un interrupteur dans un circuit électrique? Interrompre le courant. Attention, d'ouvrir ou de fermer le circuit. Exact. Oh ouais, donc. Oui, cours de technologie. J'attendais une réponse précise pour accorder le point là-dessus. Oh. Là, je suis d'accord. Ouvrir ou fermer le circuit. Ouvrir ou fermer. Oui. D'accord. Pour permettre ainsi de contrôler le flux d'électricité. Ah non, ça, j'avais pas pensé. Non, mais il y a un niveau maternel, un niveau lycée. C'est. Il va falloir équilibrer la chose. Ouvrir ou fermer? Non, tu l'avais pas. Il y a de l'électricité en maternelle? Est-ce que tu mets tes doigts dans la prise? C'est ça. Est-ce que tu prends la fourchette? Est-ce que tu prends le couteau? Est-ce que tu prends la cuillère? Les accidents domestiques, attention à la maison. Réponse non, appuie sur le bouton. Réponse B, fais. Avant, dernière question de Noémie. Ah bon? Ah bon? Oui, parce Je sais pas, mais il y en a 5 peut-être. Non, non, ah moi j'en ai 4. J'en ai 4. Comme tu veux. Je me suis alignée, moi. D'accord. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est plus aux normes, mais à quoi sert un domino? Pour mettre des fils électriques dedans. Bah ouais, mais pourquoi? C'est pas assez précis, ça. C'est pas pour raccorder deux fils. Relier deux fils. C'est pour relier deux fils entre eux, dans le panneau. Non, ça relie deux fils entre eux. Ouais, et pourquoi ça les relie entre eux? Ça sert à quoi, les relier entre eux? Bah pour que le courant y passe. Une continuité dans le courant. Pour que le courant y passe, parce que c'est le maître du jeu qui est terrible. Je veux des réponses précises. Ouais, moi j'attends aussi quelque chose, pas forcément d'hyper précis, mais oui. Bah pourquoi on met des fils dans un domino? C'est pour que le courant passe. Pour relier, pour permettre que le courant passe d'un fil à un autre. Oui, voilà. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, voilà. Elles ont galéré. Et si on dit que le Wago remplace le domino, on a un point supplémentaire? Non, vous n'avez pas de point supplémentaire. Qui a changé les règles? Mais écoutez le cours. Mais c'est bien d'avoir retenu cette information. Le Wago. Le Wago. Pour le Scrabble, c'est bien parce que W, c'est pas mal. Okay. À pas confondre avec Wigo qui doit être un truc de SNCF. Ouais. Il y a un délire comme ça. Moins de points dans le Scrabble, là, tout de suite. C'est moi ou le résultat du quiz sans l'égalité? Pour l'instant, on est à 3-2, mais parce qu'on attend la question bonus. Il y a la question bonus qui départagera si jamais. La question bonus. Alors, vas-y pour la quatrième question. La troisième question. De quoi sont souvent faits les câbles électriques et pourquoi? De cuivre, non? En cuivre, parce que c'est conducteur. Un très bon conducteur. Oui. Voilà. Et un bon conducteur, c'est celui qui ne boit pas. Excellent conducteur. Voilà. Très bon d'où le conseil de François, la sobriété. La sobriété, voilà. Question 5, Simon, question 5. Bon, pour l'instant, 3-3. Hein. Alors, est-ce que sur la quatrième question, ça va se départager? On va voir. J'ai peur. Alors, j'ai une dernière question un peu technique. Ah bah non, mais non, non. Et historique. Ok. Oh. Alors, qui on attribue l'invention du courant alternatif? Est-ce que c'est André-Marie Ampère? Est-ce que c'est Nikola Tesla? Ou est-ce que c'est Thomas Edison? Facile. Le premier, premier. Les trois ont eu un rôle à jouer. Edison, c'était pour une lampe électrique. Mais c'est peut-être lui, alors. Une ampoule électrique. Ouais. Mais du courant alternatif. Edison c'est quoi, beaucoup de courant alternatif, c'est ça? Le courant alternatif, c'est celui qu'on utilise. À qui on attribue l'invention et du coup la mise en place du courant alternatif? Est-ce quoi, que c'est Ampère? Est-ce que c'est Tesla ou est-ce que c'est Edison? Tesla, c'est nouveau, ça. C'est... Ouais. C'est nouveau. Je dirais peut-être Ampère. Ah non, Tesla. Non, mais le courant alternatif, Non. Tu donnes pas. On ne donne pas la réponse. Non, je suis scotché. Vous pouvez répéter les trois propositions parce que j'entends rien avec ces zouaves là. Alors attendez, juste petite remarque pour le courant alternatif, c'est celui que l'on emploie dans une installation électrique chez soi. Celui que vous avez dans vos prises de 120 volts, c'est du courant alternatif. C'est-à-dire qu'il passe de 220 ou 240 volts à zéro et il remonte, ça fait une sinusoïde. Ça fait Oh là là. C'est reste de 5ème. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir ça quand même? Non. Edison, je suis sûr que c'est la création de l'ampoule électrique, donc ça n'a pas l'air d'être Edison, ça. Tesla ou Edison a fait beaucoup de choses. Ouais. Et puis on parle d'ampère quand on parle dans le courant. Enfin, mais ampère... Moi je dirais ampère, mais bon. Ou en mer. Je sais pas. Allez, nul, j'arrête. Allez. Ampère ou en mer? Allez bien, je retourne. Quelle est votre ultime bafouille? Attends. Courant alternatif, ampère... Angelina, tu dis quoi, toi? Bah quoi? Ampère ou Tesla? On est déjà en retard sur le timing. Allez, allez. Je sais pas. C'est bon, Tesla. Ouais, ils sont partis sur Ampère là-bas, je crois. On est partis sur Ampère. J'ai dit Tesla. Valide Ampère, est-ce que c'est votre dernier mot? Quand on sait pas, on sait pas. D'accord, allez, Ampère. Est-ce que c'est la bonne réponse? Ah bah non. Eh non, ouais. C'était Tesla. Ampère a vécu à la fin du 18e siècle, ça n'existait pas encore. Vous allez m'écouter. Ah, c'est un physicien chimiste qui a effectivement commencé à faire des calculs par rapport aux puissances, etc. Mais Edison n'a pas inventé l'ampoule, il s'est attribué l'invention de l'ampoule. Ah ouais? Ah ouais, il s'est attribué ça. Il y en a beaucoup qui sont attribués. Un illustre inconnu, mais lui s'est attribué ses travaux, a volé beaucoup de travaux. Edison a volé énormément de travaux. Mais comme Elon, par contre, Edison a été un très bon commercial. Parce que c'est lui qui a vendu, qui a mis en place le brevet et qui du coup a vendu. Donc c'est souvent comme ça, et d'ailleurs je peux rebondir sur Tesla, ou Tesla les voitures électriques, d'où, pourquoi le nom Tesla, parce que par rapport à cette invention du courant alternatif, et Elon Musk n'a pas du tout lancé Tesla, enfin la marque Tesla, et ni l'électricité d'ailleurs. Ah lui il a acheté, pareil, c'est un très bon commercial. Voilà, il a juste acheté la marque Tesla et il a vendu le truc comme quoi c'était lui qui avait lancé la marque, mais en fait pas du tout non plus. Ah ouais. Non, Tesla était l'un des plus grands inventeurs du 20e siècle. Ouais. Ah, oui. Il avait une il a choisi Tesla en référence de. Alors c'est pas lui, parce que déjà Nikola Tesla. L'usine de voitures électriques existait déjà, lui c'était simplement un investisseur. Mais effectivement le nom Tesla a été pris en référence à ça pour construire des voitures électriques. Au créateur de la courant alternatif. Exactement. Et pas que. Et pas que, il a fait beaucoup de choses en travaux électriques. Dernière question d'Angelina. Oui. Alors, quel type de matériau est généralement utilisé pour isoler les câbles? Attention, je veux une réponse précise. Non, c'est moi qui veux une réponse précise. Pour isoler les câbles, ok. Attends, répète la question. Non, mais tu joues pas. Non, mais même. Alors, je sais que pour faire des joints, on utilise du téflon. Pour les câbles, il me semble que c'est un dérivé plastique, mais de quel polymère s'agit-il? Je ne suis absolument pas certain. Elle veut vraiment la matière. Ouais. Ok. Mais je pense que c'est du téflon. Ça serait pas de l'époxy, parce que l'époxy, c'est dur. Alors, si on part sur du plastique, par contre, je veux la nature, enfin le type de plastique. Là, on n'est pas touché. Ah, bah oui. Ah, ouais. Polychlorure de vinyle bêta-hydro. Mais tu pouvais pas fermer ta gueule, toi. Mais non, mais. Ils avaient pas trouvé plastique. Mais si, et là, j'ai dit plastique. Si. Mais on était sur des plastiques depuis tout à l'heure. Oui, bah c'est bon, c'est ça, c'est le chlorure polymère. C'est du PVC. Non, mais c'est du PVC. J'allais pas le dire. Mais on était censé t'en. Ils l'ont pas dit, hein. Moi, je suis désolé, mais effectivement, ils ont pas été jusqu'au bout de la réponse, mais tu leur as pas laissé le temps. N'allez pas le dire, hein, je promets, c'était pas ça. Mais merci. Ce qu'on va faire, Angelina. Au moins, il est honnête. Hop, pour savoir s'il y a égalité ou pas. Question bonus, mais par contre, tu ne réponds pas. Non, mais la question bonus, c'est Simon qui l'a pas. Mais là, c'est pas possible. Tout le monde peut répondre. Ah si vous avez la réponse, franchement. Mais ça donne à qui le point là? Moi, ça me va pas. Celui qui répond plus vite. Simon. Qui s'est avéré être un excellent conducteur en n'ayant pourtant jamais obtenu le permis? Laure. Sam. Hein? Sam, oui, Sam, c'est celui qui. Elle pense à un jeu de mots, non? Il a le permis, j'espère, Sam. Alors, répète pas Laure. Tu peux répéter, Simon, s'il te plaît? Alors, on parle d'électricité. Qui s'est avéré être un excellent conducteur sans pourtant jamais obtenir le permis? Bah alors? Non! Alors qui l'or? Bah, le cuivre? L'aluminium? Non, on parle du câble. J'ai demandé qui? Attends, répète la. Qui? Qui s'est avéré être un excellent conducteur sans jamais. Claude François! Oui! Magnifique! Pas mal. Claude, si tu nous écoutes. Les lumières du port. Oh, c'était les sirènes. Voilà. Les sirènes. Ah, pardon. Félicitations. Bon, bah voilà, c'était serré, mais en même Noémie, temps. Remporte. La prochaine fois, le mois prochain, puisque ça sera notre prochain chapitre du chantier, je veux des questions d'un niveau plus, plus cohérent. Ah, bah là, voilà. PVC, quand même. C'est vrai que le PVC, il t'est chaud. Ouais. À trouver, on est d'accord. Mais en comparaison de ces questions précédentes qui étaient. En même temps, j'ai fait de mon niveau, d'accord. La dernière question, vous aviez une chance sur trois, hein, finalement. Vous avez trouvé la mauvaise, vous êtes tombé sur la mauvaise, mais bon, c'est coup de pas de chance. On va vous souhaiter une bonne soirée. Rendez-vous sur Indestar, nous, pour le chantier le mois prochain. Avant ça, il y a des choses qui vont se passer à guetter les réseaux sociaux. Bien sûr que j'étais en pleine conclusion, mais vas-y. Ah, c'était ça la conclusion? C'était ma conclusion. Ah, pardon. Non, mais autant, si tu veux rajouter quelque chose, une petite info, un truc. Restez au jus pour le chantier. Restez au jus, très bien. Prochain chapitre, ça sera sur tout ce qui est charpente. Donc, on va mettre notamment Nono à contribution. Je rappelle qu'elle travaille. dans la menuiserie. Donc, tout ce on ne fait pas des charpentes. Et non. Tu veux que je fasse un quiz contre elle après? Bah, bien sûr. D'accord. Équilibré. Oh, je vais sortir mon vocabulaire. Pas trop. Restons quand même dans des choses abordables, s'il vous plaît. Je vais faire le lien entre l'électricité et la charpente, gare aux châtaignes. Oh, joli. Oh, il y a des jolis mots quand même. Et c'est sur cet humour que l'on va se quitter. Avec quand même la meilleure de toutes, c'est-à-dire Anafri, qu'on écoute maintenant avec California sur Indestar, en vous souhaitant une agréable nuit. Salut bonne les copains nuit. Bonne nuit. Salut. Au revoir. Salut. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.